Avant d'ouvrir la séance, je souhaiterais que notre conseil municipal puisse rendre hommage à Jean-Claude Gabin, qui nous a quittés la semaine dernière et qui a été adjoint maire de cette ville de 1977 à 1995, chargé notamment du logement, du sport, de la culture, de l'enfance, des affaires sociales. Chacun connaissait Jean-Claude Gabin, chacun connaissait son attachement à notre ville. Donc, en mon nom, au nom du conseil municipal, j'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à son épouse, à ses enfants, à ses petits-enfants. Et j'ai une pensée particulière, bien entendu, pour notre collègue Frédéric, cher Frédéric. Voilà, je vais vous demander de bien vouloir vous lever et d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Donc je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Olivier Tarabella, présent. Elham Chahir, présent. Édouard de Noël, présent. Émilie Trigo, présent. Vincent Doucissé, présent. Djondji Biro, présent. Cédric Pape, présent. Yasmina Sadoud, présent. Shoki Haddad, Edith Félix a donné pouvoir à Jean-Claude Oliva, Brahim Akrour, Merlan Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Valérie Bille, Yala Nadino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy a donné pouvoir à Édouard de Noël, Frédéric Gabin, Jean-Claude Oliva, Mariem Diop, Kaline Tribic, Hamid Chahir a donné pouvoir à Elham Chahir, Karamoko Sissoko a donné pouvoir à Olivier Tarabella, Mamadou Silla, Manon Chrétien, Hissène Ounissi, Zora Kelly, Mohamed Jenan a donné pouvoir à Laurent Jamais, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent Jamais, Angéline Desbordes-Silly, Raquel Garrido a donné pouvoir à Angéline Desbordes-Silly, Claire Laurence, Solène Le Bourris. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Mariem Diop, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Nous avions deux demandes d'intervention. Une de Madame Zarou concernant l'école maternelle Joliot-Curie, à laquelle nous avions déjà répondu par écrit, et une du syndicat CGT territoriaux de Bagnolet. Donc nous leur redonnerons la parole lorsque le conseil municipal pourra se tenir en public, c'est-à-dire, on espère, la prochaine fois. Oui ? Je voulais juste faire une intervention. Je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure parce que, en respect envers Frédéric, nous avons eu aussi le décès d'André Massé ces derniers jours, qui a été maire adjoint de cette ville en 1953, et si mes souvenirs sont bons, premier adjoint de cette ville de 59 jusqu'en 76, et président de l'office HLM, mais ça aurait été bien aussi qu'on puisse lui rendre hommage. Voilà. Comme je vous le disais l'autre fois, Monsieur Jamais, si nous n'avons pas l'information, il nous est compliqué de rendre hommage. Mais nous rendrons hommage et nous avons une pensée pour lui et pour sa famille également ce soir. Je vous propose d'approuver le compte-rendu du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des observations ? Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La première délibération concerne l'approbation du nouveau règlement intérieur du conseil municipal. Donc, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales, nous sommes amenés, dans les 6 mois qui suivent le renouvellement du conseil, à examiner et à nous prononcer sur un nouveau règlement intérieur. Donc, c'est ce que nous proposons de faire ce soir. Donc, nous avons souhaité que le travail se fasse dans le cadre de la conférence des présidents, qui s'est réunie 3 fois à ce sujet, les 4 novembre, 19 novembre, 9 décembre. L'opposition était présente le 4 novembre, elle n'était pas présente aux autres visioconférences sur le sujet. C'est regrettable, c'est comme ça. Ce nouveau règlement intérieur, nous aurons l'occasion d'en discuter, d'en débattre, donne plus de moyens aux élus avec... De nouveauté, la possibilité d'auditionner des personnes extérieures, c'est l'article 12. La possibilité de demander la création d'une mission d'information et d'évaluation, c'est l'article 23. Et il permet également, il intègre des nouveaux outils favorisant la participation citoyenne. C'est un choix important que nous avons souhaité faire. Et d'ailleurs, nous avons repris un certain nombre des propositions de l'opposition lorsqu'elle a daigné être présente à la conférence des présidents. Nous intégrons la notion de référendum local, de pétition citoyenne, de proposition des conseils de quartier et d'association du public à l'élaboration des décisions locales. Donc c'est un règlement intérieur qui va vers davantage d'ouverture et davantage vers les habitants. Voilà, donc je vous propose d'en discuter et d'en débattre ce soir. Olivier Taravella. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, exercice imposé, mais qui nous avons souhaité pousser assez fortement, puisque nous avons eu plusieurs réunions de travail sur la question. Nous avons souhaité renforcer à la fois les pouvoirs de l'opposition et puis la capacité pour les citoyens de contribuer à la fois à la réflexion en amont des décisions, mais à un moment à la décision elle-même. L'instauration d'un droit de pétition citoyenne qui serait inscrit sur la base d'un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et qui pourrait par ce biais proposer au maire l'inscription d'un projet de délibération de l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal sur un sujet local, est un vrai pouvoir nouveau accordé aux citoyens qui peut être ramené à ce que sont les sollicitations sur le référendum d'initiative partagée ou le référendum d'initiative citoyenne. Elles sont un mécanisme d'association démocratique fort. De la même manière, notre choix de fonctionner par référendum locaux sur les très grandes décisions qui intéressent le territoire est confirmé dans ce document. Nous avons également, et c'est une innovation, ça existe très très très peu dans les communes, cette idée de mission d'information qui est connue lorsqu'on parle du Parlement, de l'Assemblée nationale, du Sénat. C'est une vraie capacité pour les élus de travailler sur un temps long, avec des moyens administratifs, sur des sujets qui nécessitent un travail poussé ou qui nécessitent l'audition de personnalités, avec une possibilité également dans le mandat pour l'opposition d'avoir un droit de tirage sur ce pouvoir, ce qui là aussi va très au-delà de ce qui est communément prévu par le Code général des collectivités territoriales. Moi, je regrette fortement que, au nom de mon groupe, que l'opposition n'ait pas souhaité se saisir des temps de travaux que nous avons prévus. Un premier échange sur la méthode, un second échange où aucune des coprésidentes de l'opposition n'était présente lorsqu'il s'est agi de travailler sur le fond du texte. Une nouvelle opportunité d'échange lors de la commission Finances et Moyens Généraux où M. Jamais m'avait indiqué qu'il souhaitait que ce sujet soit évoqué lors de la conférence des présidents suivante, et c'est comme ça que nous avons fonctionné, mais à cette même conférence des présidents, aucune, une nouvelle fois, des deux présidentes du groupe de l'opposition n'était présente. Pour ces raisons-là, mon groupe votera contre l'ensemble des amendements de l'opposition sans en débattre, parce qu'à un moment donné, la démocratie, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un respect qui est dû à l'opposition, et il y a la nécessité pour l'opposition de jouer pleinement son rôle et de respecter également le travail qui est fait et la main qui est tendue par la majorité. Vous ne pouvez pas faire semblant de travailler en venant simplement au conseil municipal pour présenter des choses et dire, voyez, on a travaillé, on veut être dans une logique constructive. Et dans le même temps, être systématiquement absent dans toutes les instances de travail collectif que sont les commissions municipales. Donc voilà, c'est à un moment donné la position qui sera la nôtre, parce que si on veut avoir un travail respectueux de chacun et pouvoir avancer dans l'intérêt de la ville, il faut que chacun y mette du sien. Nous avons intégré une grande partie de ce que vous aviez mis dans votre charte éthique dans ce règlement intérieur. Nous avons entendu un certain nombre de remarques. Je pense que vous pouvez retrouver 90% de vos positionnements dans le règlement intérieur de ce soir. Mais s'agissant des propositions d'amendements qui sont en plus pour la plupart, pour la moitié d'entre eux, transmis hors délai, à un moment donné, voilà, je pense qu'il faut être un petit peu sérieux quand on traite de la question du règlement qui va fixer le cadre dans lequel nous allons travailler pour les 6 prochaines années. Édouard de Noël. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce règlement intérieur, effectivement, c'est une figure imposée, mais ça aurait été le fruit d'un travail collectif. On a débattu entre nous au sein de la majorité. Et effectivement, on aurait souhaité que ça soit un travail qui dépasse les rangs de la majorité municipale. Alors, il y a à peu près un an de ça, à Bagnolet, il y a eu, dans plusieurs cafés de la ville, à l'époque ils étaient ouverts, des réunions sur de présentation municipale d'une charte éthique. La campagne a eu lieu. Ensuite, Madame Garrido, qui était en charge de proposer cette charte éthique aux Bagnoletais, l'a reproposée, tout de go, sans l'intégrer dans le travail du RI, mais l'a reproposée le 4 novembre à la majorité municipale. Elle a insisté notamment sur un point qui était le point de la révocabilité des élus. Donc on a pu, les uns les autres, lui faire part de nos idées sur le sujet, mais on pensait qu'on allait continuer le boulot. Sauf qu'il y a eu ensuite deux réunions de travail pour entrer dans le dur, et qu'à aucun moment elle n'a été présente, ni elle, ni Madame Laurence. Mais cela dit, on peut être indisponible, et moi j'imaginais que les amendements qu'on allait recevoir pour ce soir au règlement intérieur, il y allait avoir effectivement des amendements de suppression pour les choses qui ne vous paraissent pas vous convenir dans ce travail, mais aussi des propositions. La révocabilité des élus, par exemple, pour qu'on puisse en débattre, qu'on ait un débat démocratique dans la seule enceinte où on peut se retrouver là, à 39, et débattre. Or, rien. Et du coup, j'ai eu l'impression d'en choquer certaines et certains d'entre vous au précédent conseil municipal, en disant à Madame Garrido, ne nous dites pas que vous bossez à fond, puisque vous n'êtes pas là. Et j'avais listé un certain nombre d'instances où, effectivement, elle était absente. Bah, à nouveau, c'en est la preuve. On peut être absent, mais déjà, on peut s'excuser. Et quand on est absent, mais qu'on a une chose très importante à porter, comme cette charte éthique dont on a entendu parler pendant un an à Bagnolet, au moment de proposer les éléments d'innovation incroyables qui étaient présents dedans, même pas un mail pour en faire un amendement. Donc, franchement, très surprenant. Ce règlement intérieur, pour moi, ça doit être qu'une première étape. Oui, effectivement, le maire, Olivier, l'ont rappelé, il y a des éléments nouveaux. Voilà, la question de la mission d'information, je pense que c'est très important. Au-delà de ça, il y a un travail qui va s'engager à partir du mois de janvier sur les questions de transparence qui font écho à notre programme, qui font écho à des demandes de l'opposition municipale. J'espère qu'à ce moment-là, on pourra se retrouver dans les mêmes pièces et débattre sur le fond d'éléments qui sont importants. Il fallait qu'il y ait ce règlement avec des droits supplémentaires, règlement intérieur de notre conseil. Il faut aussi qu'on ait des éléments supplémentaires de transparence et qu'on en travaille ensemble, et pas que la majorité entre elles, mais majorité opposition. Je vous remercie. Merci Édouard. Jean-Claude Oliva. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je pense moi aussi que ce nouveau règlement intérieur est amélioré de façon sensible, dans le sens de plus de démocratie, de plus de transparence, de plus de droits pour les citoyens et les élus, notamment ceux d'opposition. Donc voilà, c'est un travail qui a été mené de bonne façon. Je redis ces nouveaux points, l'audition, la possibilité d'auditionner des personnalités extérieures, la mission d'information et d'évaluation, Donc ça, c'est vraiment des points nouveaux. Et puis le fait de systématiser des dispositifs qui sont existants, mais qui n'étaient pas forcément appliqués jusqu'à présent ici, comme le référendum local, qui est une mesure de notre programme municipal, qu'on avait expérimenté, enfin suite plutôt à l'expérience de la votation citoyenne sur l'eau, hein, qui n'est pas tout à fait le même dispositif, mais qui est dans le même état d'esprit. Il y a aussi la possibilité pour les conseils de quartier de faire des propositions pour le conseil municipal, la possibilité pour les citoyens de faire des propositions de consultation publique ou de délibération au conseil municipal. Donc voilà, il y a un ensemble de choses très, très intéressantes, très novatrices, qui sont proposées avec ce nouveau règlement intérieur. Je crois que c'est aussi, ça doit être aussi l'occasion de s'interroger sur le rôle du conseil municipal. Tout d'abord, c'est évident, mais des fois il faut enfoncer les portes ouvertes. Ce règlement intérieur, il n'est pas exhaustif de la vie politique de la municipalité et de Bagnolet. C'est le règlement intérieur du conseil municipal. Deuxième point, le rôle du conseil municipal, c'est d'être l'organe délibératif et décisionnaire des affaires de la commune. Ce n'est pas le lieu de débattre de tout. C'est centré sur la gestion communale. Et bien sûr, je comprends, pour l'avoir moi-même vécu dans le précédent mandat, qu'il peut y avoir une certaine frustration, notamment quand on est dans l'opposition, où on trouve que finalement, il n'y a jamais assez de débats politiques, on n'a jamais assez le temps de discuter avec les autres forces et devant un public élargi. Mais je crois qu'il existe aussi, il faut comprendre qu'il existe d'autres lieux de débat, d'autres lieux pour faire de la politique dans notre ville, qu'il peut y avoir des initiatives citoyennes, des initiatives de formation politique qui sont tout à fait légitimes pour animer la vie politique de la ville. Et d'ailleurs, l'organisation régulière de référendums locaux vers laquelle on se dirige ouvre un nouvel espace de politique, de politisation dans la ville. Donc voilà, qui peut être investi par les citoyens, par les forces politiques, par les associations. Troisième idée que je voulais souligner, la réunion du conseil municipal est l'aboutissement d'un processus de décision, de tout un processus de décision. Et encore une fois, je le comprends d'autant mieux en étant dans la majorité que quand j'étais dans l'opposition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, non seulement il y a... là, on est réunis ce soir, mais pour arriver à une décision formelle sur une délibération, il y a des réunions, des discussions avec les citoyens, avec la population. Il y a des réunions de la majorité municipale en ce qu'on appelle le bureau municipal. Il y a des réunions avec l'opposition en conférence des présidents ou dans les commissions. Il y a des réunions avec les services. Donc l'élu anime tout ce travail en amont qui conduit à la délibération qui sera discutée et votée. Et donc pour être très, très concret et reprendre encore une fois l'exemple de cette délibération et de ce règlement intérieur qui nous est soumis ce soir, il y a eu effectivement 3 conférences des présidents sans opposition pour 2 d'entre elles, je le regrette moi aussi. Il y a eu un bureau municipal, il y a eu une commission aussi, là encore, sans l'opposition, et il y a eu des allers-retours avec les services juridiques. Donc tout ne se passe pas en conseil municipal, et les élus de la majorité, ceux de l'opposition, et en partie les citoyens, participent aux étapes préalables qui, s'ils le veulent, bien sûr, qui conduisent à la réunion et à la délibération et au vote au conseil municipal. Donc, voilà, moi, je ne crois pas souhaitable de ne rien préparer, de ne pas travailler en amont et de passer des heures en conseil municipal à discuter. Voilà, je crois qu'aussi, on a un devoir d'efficacité de la décision publique, du travail des élus et des services, d'où ce règlement intérieur qui concentre ça et qui nous dit, qui organise ça. Merci Jean-Claude. Madame Desbordes-Sylly. Oui, alors j'ai prévu d'intervenir un peu longuement, je pense que j'en ai encore le droit jusqu'à la fin de cette séance. Par contre, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux remarques. La première concernant ce qui vient d'être dit par Olivier Taravella et Édouard Desnoël. Édouard, je suis assez mal à l'aise avec la fâcheuse habitude que vous avez de parler au nom des absents. Donc la dernière séance, c'était Claire Laurence qui était nommée à tout bout de champ. Aujourd'hui, c'est Raquel Garrido. Donc si on pouvait avoir la délicatesse de ne pas parler, si on a des choses à dire à Raquel Garrido, on lui dit, mais à l'extérieur de cet hémicycle. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, Olivier Taravella, je trouve que c'est particulièrement malhonnête de votre foi de dire, bon, effectivement, il y a eu deux absences en conférence des présidents. Mais conférence des présidents, ça veut bien dire ce que ça vient dire. C'est pas, vous n'avez pas pris le soin, vous n'avez pas décidé de créer un groupe de travail ad hoc pour réviser ce règlement intérieur. C'était la conférence des présidents. La conférence des présidents, il ne vous a pas échappé que c'est deux présidents, deux présidentes, et ce n'est pas 8 conseillers d'opposition. Bon, il y a dans certaines collectivités des groupes qui sont constitués, qui sont des groupes dédiés et qui ne mettent pas systématiquement, qui ne font pas peser la responsabilité systématiquement sur les présidents, qui sont, comme nous tous, nous toutes, exercent des activités professionnelles. Bon, ça c'était le premier point. Le deuxième point. Donc maintenant, bon, je prends acte, on a bien entendu que vous rejetez en masse les 4 amendements qui sont proposés, on en prend acte. Simplement, on peut peut-être avoir quand même un débat sur ce règlement intérieur que vous nous proposez d'adopter ce soir. Bon, alors il reprend les dispositions traditionnelles qui sont requises par le législateur et qui sont définies dans le règlement de l'AMF. Bon, il y a un certain nombre de modifications importantes et je vais m'exprimer sur ces modifications. Alors d'abord, évidemment, on ne fait pas que de la politique partisane, on essaie de faire le moins de politique partisane possible. Évidemment, les dispositions qui sont ajoutées, qui sont des ajouts et qui ont trait à la démocratie participative, évidemment, on les salue. Elles reprennent un certain nombre de propositions que nous portions de mémoire tous et toutes dans nos listes respectives, en tout cas certaines d'entre elles, en tout cas je pense à 2 d'entre elles ou 3 d'entre elles. Évidemment, on salue le référendum local, la possibilité offerte au conseil de quartier de proposer l'inscription de projets de délibération à l'ordre du jour et évidemment les propositions d'initiatives citoyennes. La démocratie représentative est en crise. Je pense que nous aurons le loisir d'en reparler en janvier puisque vous parlez de transparence. Tous les instruments de participation citoyenne doivent être utilisés pour redonner confiance et du sens à la prise de décision politique. Bon. Évidemment, un certain nombre de modifications d'ajouts, puisqu'il s'agit d'ajouts de dispositions, de clauses qui n'existent pas sur l'actuel règlement intérieur du Conseil municipal, constituent, contrairement à ce que vous dites, un recul démocratique. Certaines dispositions constituent une limitation excessive au droit d'expression des conseillers d'opposition. Nous considérons, nous sommes minoritaires, une minorité, vous savez tous très bien ce que signifie la notion de minorité, on défend, c'est aussi dans notre ADN politique la défense des minorités, y compris à l'intérieur de cet hémicycle. Donc nous avons déposé 4 amendements, bon, je proposais de les consulter. Bon, peu importe, 3 ou 4. En tout cas, ces amendements portaient sur... les questions, les deux ajouts concernant les questions orales, la limitation des questions orales, la limitation du nombre de vœux qui peut être déposé, et en particulier sur ce point, sur le nombre de vœux, c'est l'incompréhension totale. Cette disposition, on la trouve vraiment particulièrement scandaleuse. Est-ce que vous considérez que sur le nombre de vœux déposés depuis le début de la mandature, nous avons été excessifs ? Ce soir, nous en présentons un. De mémoire, lors du dernier conseil, on en a présenté 2. Je me demande même si il n'est pas arrivé des séances où nous n'en présentions pas. Bon, il y a une incompréhension totale, je pense que vous allez vous expliquer, sur d'autant plus que le nombre de vœux est par groupe. Il ne vous a pas échappé qu'on a choisi de faire bloc, un groupe. Nous n'avons pas saucissonné la liste de second tour, contrairement à vous. Alors après, on peut s'amuser à ça, on peut tous faire des petits groupes, on peut tous se dire on va constituer des groupes de façon à pouvoir proposer des vœux. Bon, je pense que vous allez nous répondre sur ce point-là. Sur le point des questions orales, que vous limitez aussi. Pour quelle raison, si ce n'est pour réduire l'opposition au silence ? Alors, on voit bien quels sont celles et ceux d'entre nous à qui vous avez envie de couper la parole. On imagine bien à qui vous pensez. Simplement, un point de rappel. En 2011, La Cour administrative d'appel de Versailles a précisé que le droit du conseiller municipal de poser des questions orales est un droit personnel et non un droit par liste présente au conseil municipal. Bon, ensuite, il y avait un dernier amendement. Alors, juste un point, c'est quand même la limitation, la tentation, la tentative de limiter le droit d'expression des exécutifs. C'est un grand classique, mais pas forcément un grand classique des exécutifs progressistes. Au Chesnay, par exemple, le maire de droite du Chesnay, Philippe Briot, a fait installer une machine qui décompte le temps de minute des conseillers d'opposition. Donc on ne doit pas dépasser les 5 minutes réglementaires. On peut considérer qu'on peut s'acheminer vers ce genre de dispositif. Non seulement c'est un grand classique, mais nous on considère que c'est un aveu de faiblesse. Nous ne défendons pas le bavardage, nous ne sommes pas là pour discuter, nous n'avons pas envie de passer 4 heures en séance. Bon, c'est arrivé une fois. Nous ne sommes pas là pour bavarder, nous sommes là pour faire vivre le débat démocratique au sein de cet hémicycle. Alors j'entends bien que tout ne se passe pas en conseil municipal. Simplement, le conseil municipal est le seul exercice de débat démocratique qui est rediffusé en direct. Les conférences de groupe, les commissions, les administrés, nos concitoyens, concitoyennes n'y participent pas. Donc il y a quand même une spécificité à ce que tu disais, Jean-Claude. Donc, il s'agit de faire vivre le débat démocratique dans le respect de nos différences pour permettre des adoptions de dispositions et des prises de décisions éclairées dans l'intérêt général. Alors, un dernier mot avant de conclure, parce que sinon vous allez couper le micro. Évidemment, c'était l'amendement numéro 3 ou numéro 4, je ne sais plus, qui était lui un amendement de modification, qui n'est pas un amendement de suppression. Je m'étais déjà exprimée sur le sujet il y a quelques mois, puis quand j'avais mon premier conseil ici, quand j'avais réalisé qu'en fait, à défaut de procès-verbal, il y avait simplement un compte-rendu. Alors là, c'est pareil, évidemment, le législateur ne vous oblige pas à fournir un PV détaillé, mais enfin, par souci de transparence, puisqu'on va parler de transparence, il me semble que produire un compte-rendu, c'est une obligation. Il doit être mis à la disposition des administrés sous huitaine, et c'est une formalité de publicité qui est nécessaire au déclenchement des délais de recours contentieux. Donc ça n'a rien à voir avec un procès-verbal, ça ne restitue pas l'intégralité des débats, ça ne restitue pas les points de vue qui ont été exprimés, mais effectivement, la législation n'est pas contraignante, donc vous pouvez l'utiliser à la place du procès-verbal, mais on considère que ça porte atteinte à la parfaite transparence et à la parfaite information du public. Et pour terminer, je crois que dans un des documents de travail que j'ai consulté, pour refuser la retranscription du procès verbal, alors il y a des milliers de collectivités qui ont des PV de taille bien inférieure à celle de Bagnolet, vous invoquez, ou un membre de l'administration générale invoque le coût. Donc il me paraît particulièrement élevé, d'autant plus qu'on a désigné comme à chaque séance un secrétaire de séance qui est là pour rédiger ou en tout cas surveiller ça sert à ça, un secrétaire de séance. 5 000 euros par an, bon, moi ça me paraît un peu cher, mais juste pour terminer, cet après-midi vous avez répondu par mail aux questions diverses qui avaient été posées par un certain nombre de mes camarades sur le montant, sur le... à quoi correspondait la somme de 10 000 euros pour un cabinet. On apprend que cette somme, elle a été consacrée à l'animation d'un séminaire qui vous était destiné à vous, élus de la majorité. Donc nous, on demande simplement vous avez refusé, dont acte. On demandait simplement à ce qu'il puisse y avoir une transcription d'un procès-verbal pour un tarif, pour un investissement de moitié inférieur à celui que vous avez consacré à l'animation d'un séminaire. Voilà, je vous remercie. Madame Desbordes-Silly, le séminaire en question, vous savez, puisque vous êtes très attaché aux droits des élus, vous savez que les élus ont un droit à la formation. Donc il n'y a pas que Madame Garrido qui a le droit de suivre des formations à 1 000 euros lorsqu'elle va à l'université d'été de la France insoumise, et les élus de la majorité qui n'auraient pas le droit d'organiser un séminaire dans le cadre des crédits liés à la formation des élus, vous en conviendrez. Voilà, c'est juste l'application du droit. C'est pas juste quand ça vous concerne que ça doit s'appliquer. Olivier Tarver. D'abord, l'organisation de l'opposition en un ou plusieurs groupes, évidemment, vous appartient, mais j'ai quand même constaté depuis le début du mandat qu'en général, il y avait autant d'expressions au sein du groupe de l'opposition qu'il n'y avait de composantes initialement dans ce groupe. Donc finalement, on retrouve le même type d'organisation que si on avait plusieurs groupes d'opposition. Mais bon, ça ne nous dérange pas, c'est votre organisation. C'est... Ben oui, justement. Mais du coup, c'est pas la peine de nous dire, nous on est sérieux, on a un seul groupe et voilà. C'est parfaitement faux, ce que vous dites. Ben non. Olivier Tarabella seul. Bon, d'abord, sur les questions orales. C'est trois questions orales. Il ne me semble pas que dans le passé, il y a eu beaucoup plus de questions orales posées pour un même conseil municipal, donc on ne peut pas dire que ce soit particulièrement restrictif. Et plus particulièrement sur la question du temps de parole, Édouard Denoël et moi connaissons bien d'autres instances de débat dans lesquelles le temps de parole est extrêmement réglementé, avec différentes longueurs de temps de parole, selon la nature des débats, selon leur organisation, et c'est les instances démocratiques les plus importantes du pays, celles dont découlent toutes les autres. Et il ne semble pas que tous les jours, il y ait une remise en cause de cette organisation d'un point de vue démocratique. Le temps de parole, il est déjà réglementé dans le règlement intérieur actuel. Et vous allez me dire qu'on parle encore en l'absence des principaux acteurs, mais je n'ai pas eu l'impression, notamment lors d'un conseil municipal qui s'est déroulé un samedi matin, que le maire ait fait une application très stricte de ce règlement intérieur s'agissant du temps de parole. On aurait peut-être tous pu rentrer déjeuner un peu plus tôt si ce temps de parole avait été effectivement strictement réglementé. Il y a un cadre qui permet de s'assurer que, de manière générale, les débats se passent bien, permettent au président de séance de faire la police de l'Assemblée, tout en ayant une flexibilité. Lorsque les débats le nécessitent, on a toujours eu, évidemment, une flexibilité dans la manière dont les choses étaient appliquées. On a permis, je repense, pour ma part, lorsque j'ai remplacé le maire sur sa délibération pour une protection fonctionnelle, qu'il y a eu 6 ou 7 expressions de votre groupe, de longueur parfois conséquente, et qu'à aucun moment, naturellement, étant donné la nature du sujet et le contexte, on a cherché à mettre fin prématurément à ce débat ou à rendre votre expression plus complexe. Donc il faut ne pas laisser penser que parce que nous aurions un cadre qui soit plus strict ou qui soit plus réglementé, il y aurait forcément un carcan qui s'imposerait à l'opposition. Je n'ai pas l'impression, encore une fois, vu la longueur de nos conseils municipaux, il suffit d'aller voir dans certaines collectivités la durée des conseils municipaux, hier soir encore, pour voir que, des conseils de territoire, pour voir qu'on n'est pas particulièrement une ville où la démocratie est sous le joug. Voilà, donc, on a un cadre, c'est un cadre qui est plus démocratique, c'est un cadre qui est plus représentatif vis-à-vis de l'association de la population, c'est un cadre qui ouvre des droits nouveaux pour l'opposition. Vous avez des désaccords, c'est votre droit. En tout cas, on va le mettre en œuvre et on s'assurera que tous ces droits soient mis en état. Donc, Solène Le Bourris, et ensuite on passe au voix. Pardon. Oui, bonsoir. Déjà, on n'est pas toujours en désaccord. Et puis, nous sommes des élus sérieux. Je trouve que ça aussi, c'est très malhonnête, Monsieur Tarabella, de nous faire passer pour des élus pas sérieux. On en avait déjà mentionné à la séance précédente, au conseil municipal précédent, où on a aussi des métiers à côté, des journées très longues. On en est tous. Hein. Mais après, on ne peut pas comparer les élus de l'opposition et les élus de la majorité par rapport au travail. C'est déjà ça aussi, c'est une forme d'honnêteté de le préciser. Par exemple, quand j'écris aussi, parce que moi, en tant qu'élu, comme tous aussi, hein, je suis au contact de la population. Et quand j'écris des courriers, je reste aussi sans réponse. Et puis je dis aux citoyens, je n'ai pas de réponse. Voilà, ça aussi. Après, M. Denoël, j'en ai un peu marre aussi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est notre procès. À chaque conseil municipal, c'est notre procès. Il y a un an, vous avez dit des choses tout à fait différentes. On ne va pas toujours faire le débat. Et vous êtes toujours, vous nous dites, la campagne est terminée et c'est vous qui remettez toujours la campagne en pleine séance du conseil municipal. Donc, oui, la campagne est terminée. Donc, je pense qu'il va falloir, comme disait ma collègue Angéline, arrêter de régler vos comptes. Et c'est vrai, vous réglez vos comptes avec Raquel Garrido, ça en devient très gênant. Moi, je voudrais parler des commissions. Alors, les commissions, c'est une obligation légale, bien évidemment, et c'est très bien. Mais moi, des fois, j'ai l'impression... quand on assiste aux commissions, qu'on est là à titre informatif et pas du tout consultatif. Et j'ai l'impression que parfois la commission, elle sert justement de rompre ce débat qui peut aussi avoir lieu au conseil municipal. Donc en fait, des discussions à huis clos. Donc on prive les administrés de toute discussion. Je ne vois pas pourquoi, au conseil municipal, on n'aurait pas le droit de débattre. Sur le règlement intérieur, par exemple, oui, ça a été abordé lors de la conférence des présidents. Mais pourquoi ne pas avoir fait carrément une réunion où, plus élargie où on aurait été conviés à un plus grand ensemble pour pouvoir évoquer ce règlement intérieur qui est très important. Donc voilà, et vraiment, quand je vois de la manière que ce soit M. Taravella ou M. Desnouel, la manière comment vous vous adressez à nous à chaque fois, ne dites pas que vous avez envie de travailler avec nous. Et vous l'avez dit assez clairement au précédent conseil municipal, M. Taravella, où vous dites que quand on s'exprime sur certaines choses, bah, non, on n'a pas forcément envie de travailler avec vous. Donc, voilà. Donc, déjà, un, je répète, on est souvent en accord avec vous. On n'est jamais, on n'est pas systématiquement dans l'opposition. Et deux, sur ces histoires de commission, si c'est toujours pour nous reprocher des choses, et juste à titre priver le débat et être là à titre informatif. Et j'ai par exemple, quand j'ai un de nos collègues qui assiste à une visioconférence de commission, puis on lui dit, bah, vous aurez la réponse sur table. Donc on pose des questions, on n'a pas forcément nos réponses à nos questions aussi, ou parfois on ne les a jamais. Et je voudrais finir aussi, je vais donner l'exemple, par exemple, au mandat précédent, notre collègue Anne Lorgui, qui était vice-présidente de la commission des finances, ben on s'est rendu compte que parfois il y a eu des informations qu'elle n'avait pas eues. On l'a évoqué au conseil municipal précédent. Donc voilà, c'est tout ça. Donc moi je veux bien, hein, mais voilà, là vous avez encore démontré que c'était systématiquement notre procès. Vous voulez toujours nous faire passer pour des gens pas sérieux. Vous voulez nous faire passer pour des gens qui sont toujours dans la contestation, et c'est totalement faux. Donc à un moment donné, moi je veux bien, mais il va falloir aussi être un peu plus bienveillant, j'ai envie de dire. Édouard Desnouel. Je prolonge pas la campagne municipale. Quand le 4 novembre, alors que la campagne est terminée depuis 4 mois, on nous propose la charte éthique en réunion des présidents, conférence des présidents, comme travail liminaire à la réforme du règlement intérieur, et qu'ensuite, effectivement, nous n'avons plus aucun débat, je l'ai dit, Angéline, on peut être absent. Mais on pouvait à minima s'imaginer qu'on les retrouverait dans les amendements. Juste force de proposition, juste qu'on débatte. Et non, je fais le procès de personne. Juste, j'interromps Édouard, juste pour information, cours du précédent mandat. Juste, on n'a jamais refusé à quelque groupe que ce soit de se faire représenter par un élu qui n'est pas présent de son groupe, sincèrement. Pardon, Édouard. Non, mais j'en termine par là. C'est juste, oui, on peut être absent. On le dit, on est absent, mais j'imaginais qu'on aurait ce débat-là, qui aurait pu d'ailleurs être un débat intéressant, sur ces questions de représentation plus large, sur ces questions de révocabilité, etc. On aurait pu avoir le débat ici, et on ne l'a pas. Donc, j'aimerais prendre la parole. Je vais vous proposer de passer aux voix. Madame Laurence. Donc, concernant... Et Pierre Rionnet avait demandé la parole également. Non. Madame, le nouveau règlement intérieur va sans doute s'appliquer. Donc, je vous propose de passer aux voix concernant l'amendement en fait. À l'article 13. Le débat dans le conseil municipal. Alors, qui est pour l'amendement à l'article 13 déposé par le groupe Ensemble pour Bagnolet ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement est rejeté. Amendement concernant l'article 14, qui est pour cet article, l'amendement à l'article 14, qui est contre, qui s'abstient, l'amendement est rejeté. Amendement à l'article 20, au règlement intérieur, qui est pour cet amendement à l'article 20, qui est pour, vous pouvez voter votre amendement, qui est contre. Les amendements sont repoussés. Donc, je vais passer aux voix sur le règlement intérieur. Qui est pour ce règlement intérieur ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le règlement intérieur tel que modifié, est approuvé. Délibération suivante, mise à jour du tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des remarques, des observations à ce sujet ? Pas d'observation, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 3, avec une délibération 4 sur le même sujet. Donc il s'agit d'autoriser le renouvellement d'un contrat d'apprentissage d'assistant en charge de la gestion administrative et partenariale. Et le 4 concerne un animateur de communauté. Est-ce que vous avez des observations sur ces contrats d'apprentissage ? Donc, qui est pour la délibération 3 ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé pour la délibération 4. Donc, c'est le poste d'animateur de communauté. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 5, fixation de seuil de poursuite de la trésorerie municipale de Montreuil et simplification des procédures de recouvrement. Est-ce que vous avez des observations à ce sujet ? Monsieur Jamais. Oui, si j'ai bien compris en commission, c'est une délibération qui revient, qui était déjà présentée au précédent conseil municipal. Donc voilà, on n'a pas trop compris pourquoi elle revenait, quel avait été le problème administratif qui faisait qu'elle revenait de nouveau au conseil. Bon, bien entendu, nous, on est pour qu'il y ait des mesures de recouvrement. Je crois que c'est normal, mais en même temps, on est dans un moment qui est difficile, qui est particulier, qui va amener, bien entendu, des situations de plus en plus alarmantes et des situations sociales préoccupantes. Et je crois que le pendant de cette délibération, c'est aussi d'expliciter la politique menée par la ville pour faire en sorte que nous ayons, bien entendu, de la prévention et pas uniquement du recouvrement. Olivier Tarvella. Alors effectivement, comme j'ai pu l'exprimer en commission, il s'agit d'actualiser les seuils suite à une demande d'actualisation du Trésor public, qui pour nous, évidemment, tombe à un moment un peu étrange, puisque ça nous a amené à délibérer deux fois de suite sur une même délibération, mais ça, c'est indépendant de notre volonté. Évidemment, dans le contexte actuel, il va sans dire que nous devons être extrêmement vigilants sur de nombreux ménages qui sont en difficulté pour faire face à un certain nombre de créances notamment au public. Il y a un travail important qui se fait sous la direction du maire et des dames chères en tant que vice-présidente du CCAS pour accompagner les ménages et anticiper le plus tôt possible dans le process, évidemment, les situations difficiles. Nous-mêmes, en cours d'année 2020, au moment du premier confinement, nous avions suspendu la facturation d'un certain nombre de prestations municipales de manière à ce que les ménages les plus en difficulté, ceux qui, dans notre ville, souvent sont dépendants de métiers en intérim ou de petits boulots qui sont évidemment qui sont les premiers à avoir disparu à ce moment-là. On avait fait cet effort sur la facturation. Il y a eu ensuite un retour qui s'est fait en septembre. Donc on est très conscient de ces difficultés et on essaye autant que possible de les accompagner. On a d'ailleurs juste après une délibération qui porte sur l'annulation de dettes suite à la décision de la commission de surendettement de la Banque de France. Donc voilà, on est sur un écosystème, effectivement, malheureusement, notre ville est très représentée au regard de sa situation sociale. D'autres observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante, décision modificative numéro 1. Olivier Tarvella. Donc sur la décision modificative numéro 1, donc nous attendions en cette fin d'exercice parce que la situation sanitaire a entraîné évidemment des conséquences assez lourdes pour la collectivité. Aujourd'hui, nous avons une visibilité à peu près définitive sur l'impact 2020. On peut estimer à peu près 1 500 000 euros les pertes de recettes induites par la crise épidémique et à 600 000 euros les dépenses exceptionnelles auxquelles nous avons dû faire face pour évidemment accompagner à la fois les habitants de la ville et les agents de la commune par la fourniture d'équipements de protection sanitaire, mais aussi par un certain nombre de politiques sociales que nous avons mises en œuvre, par exemple distribution de repas ou par la distribution de masques ou par des chèques qui ont été remis aux familles dont les enfants ne pouvaient plus bénéficier des tarifs sociaux de la cantine pendant la période de fermeture. Évidemment, ces 2 100 000 euros de delta entre ce que nous avions comme prévision et puis les conséquences de l'année 2020 aurait dû faire l'objet d'une compensation par l'État qui a été évoquée lors de la troisième loi de finances rectificatives du mois de juillet 2020. 14 000 collectivités locales devaient en bénéficier selon le discours porté par le gouvernement. Lorsque le projet de décret d'application a été présenté au comité des finances locales en octobre, il a pu être constaté que finalement seules 2 000 communes, pour la plupart de moins de 3 500 habitants, bénéficieraient d'une aide souvent résiduelle, puisque le coût total du dispositif de garantie de recettes était de 250 millions d'euros, alors que sur le seul deuxième trimestre 2020, les collectivités locales avaient déjà perdu 7 milliards d'euros de recettes au regard de la situation épidémique. Et encore, les départements sont encore plus heurtés que ne sont les communes au regard des conséquences sur les droits de mutation, sur la CVAE et puis bien sûr, l'augmentation du nombre d'allocataires des minima sociaux du RSA. Nous n'avons donc pas de mouvement important à intégrer au regard de l'absence de compensation de nos pertes de recettes. Nous avons dû travailler sur l'annulation d'un certain nombre de dépenses ou la non-réalisation de certaines opérations ou la transformation de certaines opérations. Cela a pu être rendu possible en partie évidemment par la situation sanitaire elle-même puisque certains événements n'ont pas pu se tenir malheureusement. Pour l'essentiel, la décision modificative est donc une décision technique de fin d'exercice avec les ouvertures et clôtures de crédits sur les différents chapitres pour assurer la clôture budgétaire qui s'effectuera ce vendredi afin de permettre un vote du compte administratif autant que possible au même moment que le vote du budget fin mars, début avril 2021. Je signale comme principale opération néanmoins une augmentation importante de la cotisation pour les services d'incendie et de secours. Donc, vous m'aviez interrogé sur cette question lors de la commission municipale. On a nous-mêmes interrogé la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sur les justifications de ce surcoût important, puisqu'on est sur quasiment 45% d'augmentation par rapport à une année normale. Nous n'avons pas encore eu de retour de leur part, mais ils justifient ça par une explosion du nombre d'interventions sur le territoire communal au regard de la situation épidémique. Nous avons également, suite à un jugement concernant M. Jean-Pierre Lotte, qui était l'architecte de l'hôtel de ville, donc une provision qui va être passée en perte pour la ville, donc 187 567 euros. Vous m'aviez interrogé sur le montant des frais d'avocat engagés dans le cadre de cette procédure, donc j'ai pu vous répondre par mail sur le montant de ces honoraires qui s'élèvent à un peu plus de 3 000 euros aujourd'hui, sachant que M. Lotte a fait appel du jugement, puisqu'il a été débouté sur ses demandes d'indemnité de dommages. Donc il y aura un appel qui se déroulera certainement en 2021 ou en 2022. Sur la section d'investissement, nous intégrons pour l'essentiel des recettes d'investissement de l'État, la DSIL et la DPV en particulier. L'ensemble de ces recettes nous permet de diminuer l'autorisation d'emprunt, comme nous le faisons désormais depuis 2015. Cette autorisation est réduite de 2 680 419 euros. Et enfin, nous avons un transfert d'opérations qui devait être exécuté sur 2020 qui concerne l'opération Franklin. Donc là aussi, vous m'aviez posé une question pour une précision puisque je m'étais moi-même emmêlé un peu les pinceaux en commission entre ce que nous avions prévu sur 2021 et ce qui était prévu sur 2020. Donc il s'agit d'une opération pour laquelle la ville verse deux subventions d'équilibre. Ces subventions d'équilibre n'ont pas été appelées par l'OPH de Bagnolet sur l'exercice 2020. Nous avons donc été amenés à les annuler, mais elles seront appelées par l'OPH en début 2021. Elles seront donc réinscrites sur le budget 2021. Donc cette dépense demeurera simplement comptablement. Elle ne peut pas être reportée automatiquement sur 2021. Nous devons d'abord l'annuler et la réinscrire en 2021. Il y aura par ailleurs une légère actualisation du montant. Voilà ce que je peux vous dire sur cette décision modificative. Merci. Des remarques, Monsieur Vionnet. Merci. Avant de commencer mon propos, je reviens brièvement sur le premier point, puisque Édouard Desnoëlle, contrairement à nous, a été autorisé par vous à reprendre la parole. On sait bien dans un conseil municipal, c'est la loi qui prévoit que le maire assure la police de l'Assemblée. Et c'est justement bien pour cette raison que les droits de l'opposition doivent être particulièrement respectés. Et si nous n'avons pas fait d'amendement qui rouvrait des questions générales, c'est parce que nous en connaissions l'issue. Mais nous avons au moins essayé de corriger les aspects qui nous semblaient les plus choquants dans les droits de l'opposition. C'est moins le temps de parole auquel a répondu Olivier Tarabella que le nombre d'interventions, puisque le nouveau règlement dit que le maire et le rapporteur peuvent intervenir autant qu'ils le souhaitent, mais que par contre un autre conseiller ne peut pas intervenir plus de deux fois sur une question. Je ne reviens pas sur la question des vœux, même si la situation est assez ubuesque, parce que demain matin, nous déciderions, tout en continuant à travailler ensemble, comme la loi nous le permet, de constituer quatre groupes de deux avec un intergroupe, bon, ben, nous quadruplerions notre droit au vœu. Donc on voit bien que tout ça n'est pas très sérieux, et comme l'a dit Angeline, je ne pense pas que nous ayons abusé de ce droit jusqu'à présent. Donc voilà, donc factuellement, et je m'arrête là pour venir à la décision modificative numéro 1, factuellement, c'est un règlement intérieur qui réduit les droits de l'opposition, et ce n'est pas la peine du coup de vouloir nous donner des grandes leçons sur la question. Sur la décision modificative, qui a d'ailleurs été présentée dans la commission finances numéro 1, où, si je ne m'abuse, M. Taravella, les trois représentants de l'opposition, Claire, Laurent et moi, étions présents. Effectivement, c'était la seule où vous étiez présent. L'opposition. Non, Mohamed non, était présent dans la sienne. Donc, vous savez, vous êtes mal renseigné. Si on s'amuse à comptabiliser, si tous les membres de la majorité sont là aussi, je suis pas sûr que ça soit un jeu qui soit très passionnant pour les uns ou pour les autres. Comment ? C'est mesquin. On vous, c'est un compliment, Madame Laurence. Monsieur Vionnet, allez-y. Donc, sur la décision modificative, je serai assez bref parce que il n'y a pas de... Bon, on prend acte des choses qui sont liées à l'actualité, les éléments de subvention ARS, les dépenses de Coronapis, même si on peut regretter, notamment quand on est cycliste, le caractère totalement bricolé de la plupart d'entre elles. Et puis les montants sur les vacances apprenantes qui ont été décidés donc pendant la campagne municipale. Je ne reviens pas non plus sur ce qui est relatif aux subventions du Théâtre de l'Échangeur et à Pêche d'Or, puisqu'il y a des délibérations qui ont trait à ces points, et donc je pense que nous pourrons nous exprimer à ce moment-là. Donc on avait deux questions, une effectivement sur les subventions de l'OPH, mais M. Taravella y a répondu, une sur la réduction par contre de budget de la mission égalité hommes-femmes, que nous n'avions pas, je l'admets, pensé à poser en commission, je le reconnais bien volontiers, mais que je pose ce soir, mais d'ailleurs de manière générale par rapport au débat qu'on a eu au début. Comme vous le savez aussi bien que moi, les commissions sont des espaces préparatoires du conseil municipal, mais la seule vraie instance, c'est le conseil municipal, et c'est donc bien là que doivent avoir lieu un certain nombre de débats et d'échanges. Et puis, une petite remarque quand même, effectivement, sur le contentieux à l'encontre de l'architecte de cet hôtel de ville, que la ville a donc perdu. Moi, je pense qu'à un moment, les ruptures avec des décisions contestables qui ont pu être prises dans le mandat qui vous a précédé doivent se traduire par des actes et pas par de l'agitation. Il y a un certain nombre de projets immobiliers qui n'étaient pas encore lancés et qui auraient pu être arrêtés. Vous avez choisi de ne pas les arrêter. En revanche, sur cet hôtel de ville qui était construit, vous ouvrez un contentieux contre l'architecte, dont il était clair à peu près depuis le début qu'il serait perdu. Donc c'est juste de la symbolique. Hein. Et à la sortie, ça coûte 3 000 euros de frais d'avocat à la ville. Je ne reviens pas sur les discussions qu'avait Angeline, par exemple, sur les frais de compte-rendu de ce conseil municipal, mais je pense qu'ils auraient été mieux utilisés qu'en frais d'avocat contre un architecte. Voilà, c'était tout. Olivier. Oui, juste sur les colos apprenantes, je trouve votre formulation un peu étonnante, puisque d'une part, c'est un projet qui a été mis en œuvre par l'État et qui a vivement incité les collectivités à s'inscrire dans celui-ci. Il va sans dire que l'État n'a pas découvert l'existence d'une élection municipale au moment où il a fait cette proposition. Donc, je pense un peu étrange de reporter la question de cette manière. D'autant plus que ce sujet a été débattu à l'époque dans les conférences des présidents où Mme Guy représentait à ce moment-là l'opposition. Et elle nous avait elle-même interrogé sur la manière dont la ville entendait proposer une offre de colonies de vacances pendant l'été, alors même que l'offre classique proposée par la ville ne pouvait être mise en œuvre au regard du contexte. Donc nous n'avons fait que mettre en œuvre ce que l'État nous a suggéré de faire, et le préfet d'ailleurs a même enjoint les collectivités de Seine-Saint-Denis à s'inscrire dans le dispositif au regard du mécanisme de financement. Et donc pour les personnes extérieures ou entités extérieures qui s'interrogeraient sur le bien fondé de ce choix, nous avons un ensemble de documents, notamment courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui nous invite fortement à le faire et à communiquer auprès des bénéficiaires potentiels. Sur l'égalité femmes-hommes, en fait, c'est très simple. Je dis ça sous le contrôle, évidemment, de Kaline Trivic, mais dans le cadre de ce que nous faisons sur l'égalité femmes-hommes, nous nous inscrivons dans un projet qui est soumis aux instances de la Commission européenne pour bénéficier du FSE. Il s'agit d'une programmation annuelle. Cette programmation annuelle a été extrêmement fortement impactée, évidemment, par le contexte en 2020. Il n'était pas possible de mener l'ensemble, quasiment la totalité des actions prévues. Je vous rappelle que dès lors que ces actions auraient été présentées comme étant menées, il faut ensuite pouvoir fournir des justificatifs aux instances qui contrôlent pour la Commission européenne la bonne utilisation du FSE, ce qui est extrêmement lourd sur le plan administratif. Et donc le choix a été fait de reporter l'essentiel de ces actions sur 2021, puisqu'elles n'ont pas pu se tenir, ce qui explique l'annulation des crédits correspondant à ces actions, puisqu'évidemment, elles ne sont pas reportables. Les crédits eux-mêmes ne sont pas reportables au titre de l'annualité budgétaire, donc il faudra les revoter en 2021. Mais en 2020, ça correspond simplement aux opérations et aux actions qui n'ont pas pu être menées au regard de la crise sanitaire. D'autres opérations de cette nature ont amené des annulations de crédits dans le budget. Certaines ne sont pas visibles puisque nous avons, en cours d'exercice, été amenés à utiliser ces crédits d'emblée pour faire face notamment à certains surcoûts sur les dépenses Covid. Donc ensuite, ça a fonctionné par virement de crédit en cours d'exercice, mais ça ne transcrit rien d'autre que simplement la réalité des engagements de crédit sur l'exercice. Monsieur Jamais. Je ne vais pas revenir sur la discussion précédente, mais contrairement à ce que vous dites, vous avez plutôt des élus d'opposition qui veulent travailler et qui ont de l'appétit pour ça. Effectivement, nous sommes 8, vous êtes 31, vous avez des moyens très importants, vous avez une administration, des secrétaires, des collaborateurs, etc., qui travaillent avec vous. Et peut-être, effectivement, nous ne sommes pas toujours parfaits, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous voulons travailler. Et par exemple, moi, j'aurais bien voulu être au conseil d'administration de l'office HLM, vous voyez. Ça m'aurait bien plu. Bon, mais maintenant, on a donc un maire qui est président. Donc, sur la décision modificative, j'entends que l'office HLM n'a pas fait appel, effectivement, aux sommes auxquelles il pouvait prétendre. Mais c'est un peu un problème parce que... Il y a le maire, puis il y a le président de l'office qui sont les mêmes, quoi. Donc voilà. Alors que on peut imaginer que dans le moment qui est le nôtre, on connaît tous la situation du logement social en France d'une manière générale, qui est dans une situation catastrophique et qui est dans cette situation due à une politique publique qui est présente, mais qui est aussi passée, parce que je pense qu'il faudra un jour faire le bilan et je crois même le procès de la manière dont l'État a traité le logement social. Et je crois que, d'ailleurs, nous posons une question orale ce soir sur un immeuble, qui est le 40 rue Pierre-Curie, où nous avons rencontré des locataires. Vous voyez, on a posé deux questions ce soir. Ce n'est pas excessif, on a posé deux. On n'a pas attendu que le règlement intérieur nous limite. Mais bon, voilà, donc je trouve que là, il y a quand même dans cette situation de ce soir de retirer un certain nombre de sommes sur des réhabilitations, sur des constructions, il y a quelque chose là-dessus qui est, pour moi, profondément choquant. Olivier. Ouais, monsieur Jamais. J'essaie de ne pas tout casser. comme je vous l'ai dit à la fois par mail et ce soir, il ne s'agit pas d'annuler cette subvention d'équilibre. Vous le savez parce que vous avez vous-même, dans les délégations que vous avez exercées à l'époque, eu l'habitude de travailler sur ce type de projet, souvent qui s'inscrivent dans le temps long. Il y a plusieurs avenants, la valeur des opérations évolue dans le temps, selon les relogements, selon les évolutions de programme. Et donc, il faut attendre la fin de l'opération pour pouvoir solder l'opération d'équilibre. Et donc, la subvention d'équilibre, je dirais que c'est ce qui permet de solder la clôture de l'opération. C'est la raison pour laquelle, au regard du retard pris en 2020, à la fois du fait de l'épidémie et du fait, évidemment, du report des élections, certaines opérations, dont des opérations liées à l'ANRU, on en parlera tout à l'heure, ont été décalées sur 2021. Et donc, effectivement, si l'OPH n'a pas appelé ces sommes, c'est simplement parce que l'OPH n'était pas encore dans la clôture de l'opération. Et c'est aussi pour ça que j'ai précisé tout à l'heure que ces sommes, elles seraient actualisées. Alors, elles seraient actualisées à la marge. Hein, on parle d'une vingtaine de milliers d'euros sur un peu plus d'1,5 million. Mais comptablement, moi, je ne peux pas reporter sur l'exercice suivant ces sommes. Si ces sommes n'ont pas été engagées, elles ne l'ont pas été puisqu'il n'y a pas eu d'appel de fonds, elles n'ont pas d'outils juridiques qui leur permettent, et vous le savez, d'être rattachées sur l'exercice 2021. Et donc, je suis obligé de les annuler comptablement pour les réinscrire en 2021. C'est de la pure mécanique comptable. Et ça n'a rien à voir avec le fait que nous soutenions ou non l'OPH de Bagnolet dans ses opérations. Au contraire, si la ville verse ses subventions d'équilibre, c'est bien qu'à un moment donné, elle s'est engagée vis-à-vis de l'OPH pour soutenir des projets qui sont les siens. D'autres remarques ? Donc, je vous propose de passer au voix. Donc, concernant la section de fonctionnement, recettes de fonctionnement, chapitre 13, atténuation de charges, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 18, autres produits relatifs à l'exploitation, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 70, produits de services du domaine, ventes diverses, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 73, impôts et taxes, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 74, dotation, subvention et participation, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 76, produits financiers, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 77, produits exceptionnels, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 42, opérations d'ordre de transfert entre sections, total des recettes réelles de fonctionnement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Dépenses de fonctionnement, chapitre 11, charges à caractère général, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 14, atténuation de produits, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 66, charges financières, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 67, charges exceptionnelles, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 68, dotations aux amortissements et aux provisions, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Et le total des dépenses réelles de fonctionnement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Section d'investissement, recettes d'investissement. Chapitre 13, subventions d'investissement reçues, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 21, immobilisation corporelle, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 23, immobilisation en cours, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 10, 68, excédent de fonctionnement capitalisé, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 165, dépôts et cautionnements reçus, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 27, autres immobilisations financières, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 24, produits des cessions d'immobilisation, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 45, 2, total des opérations pour compte de tiers, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 40, opérations d'ordre de transfert entre sections, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 41, opération patrimoniale, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Total des recettes d'investissement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Dépenses d'investissement, chapitre 20, immobilisation incorporelle, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 204, subvention d'équipement versé, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 21, immobilisation corporelle, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 23, immobilisation en cours, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 13, subvention d'investissement reçu, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 27, autre immobilisation financière, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 976, rénovation école Pêche d'Or, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 15001, PCP, la Noule et Malassis, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Opération patrimoniale, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Total des dépenses d'ordre d'investissement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Total des dépenses d'investissement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Et le vote sur la décision modificative dans sa globalité, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante, nous en parlions tout à l'heure. Il s'agit de l'extinction de dettes suite à une procédure de surendettement. Est-ce que vous avez des observations ? Pas d'observation. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, convention et contrat de prêt d'aide financière auprès de la CAF. Ça concerne le centre social Guy Toffoletti. Chocchi. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Je prends la parole car il était important pour moi d'intervenir sur cette délibération qui porte sur la convention de prêt et d'aide financière auprès de la CAF. Il s'agit de la reconstruction du centre socioculturel Guy Toffoletti. Et je dois dire que cette reconstruction représente notre détermination et la volonté de la majorité municipale que nous souhaitons mettre en place sur les 6 prochaines années. Cette action, je l'espère, elle se renouvellera tout au long du mandat pour permettre à toutes nos structures de pouvoir porter un service public de qualité et de pouvoir bénéficier de crédits travaux, en particulier pour les centres socioculturels de la ville, comme c'est le cas pour cette délibération. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion de parler, d'intervenir sur une prochaine délibération au sujet de l'antenne Anatole France, pour laquelle l'attente des habitants a été très longue. Notre partenariat avec la CAF est évidemment primordial. Il doit être privilégié et je m'engage à entretenir ce partenariat. Un suivi particulier sera mis en place au sujet de toutes les subventions et de toutes les aides possibles que nous pouvons demander auprès de la CAF dans le but d'offrir aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais le service public dont ils ont besoin. J'en profite pour réaffirmer que nous assumerons pleinement notre rôle d'élus pour soutenir le service public et donc rassurer nos agents communaux sur cette question. Le service public est un acquis, mais c'est aussi une chance que nous devons défendre. C'est pourquoi mon intervention a pour objet de souligner et de saluer le travail réalisé par l'administration, par les agents et par les différents acteurs qui ont permis la réalisation de cette rénovation attendue de longue date dans le quartier de Lannou. Pour ma part, moi qui dois beaucoup au centre socioculturel de notre ville en particulier, je ne cache pas ma satisfaction de voir ce projet arriver à son terme. Le centre social ainsi que les services sont aujourd'hui prêts à accueillir leurs usagers et répondre aux besoins des habitantes et des habitants du quartier de Lannou, mais également aux besoins de tous les Bagnoletais de manière générale, dans une dynamique d'animation qui se veut en constante évolution au sein des centres socioculturels. Je vous remercie. Merci, Chocchi. D'autres interventions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. À compte sur subvention. Olivier, tu nous dis un mot ? Et Yasmina, ensuite. Oui, c'est une délibération habituelle en cette fin d'année. Donc, il s'agit de s'assurer que les associations qui supportent des charges de gestion qui sont constantes sur l'année et qui ne sont pas compressibles puissent bénéficier d'un flux de trésorerie pour le premier trimestre jusqu'au vote du budget. Donc, ce sont essentiellement celles qui ont soit la charge de leurs propres équipements sportifs, soit celles qui ont des charges liées à la masse salariale. Et puis, par ailleurs, il s'agit aussi des deux établissements publics administratifs que sont le Centre communal d'action sociale, évidemment, et la Caisse des écoles. Yasmina. Bonsoir à tous. Alors, je suis convaincue que ce point ne fera pas débat vu le contexte actuel. Donc, verser un acompte qui permettra de limiter les risques d'impayés pour les associations qui ont engagé des dépenses et qui, aujourd'hui, se retrouvent dépourvues, me semble être essentiel. Donc ces derniers dépensent déjà une énergie colossale à monter des dossiers de subventions afin de percevoir des sommes qui souvent à elles seules ne suffisent pas à toutes les dépenses nécessaires sur un exercice. Donc voilà, je profite donc de l'occasion pour renouveler aux associations le soutien total de la majorité municipale, mais également pour tenir le conseil municipal informé de l'évolution des ateliers de subvention, donc qui se sont parfaitement déroulés et dont les retours et les résultats ont dépassé nos espérances. Donc ces temps furent très enrichissants et les associations étaient clairement en attente de ce genre de temps d'action forte qui, je le pense, ont été des moments importants de démocratie, de respect et de vivre ensemble, donc au sein de notre ville. Dans une période compliquée, et une très bonne dynamique est lancée et elle s'achèvera ce 18 décembre avec le dernier atelier qui réunira opposition et majorité pour valider ensemble une liste des critères proposés par les associations. Donc ce temps de travail est crucial et sera sûrement renouvelé chaque année sous une autre forme pour améliorer continuellement nos pratiques. Donc, je donne donc rendez-vous à tous les élus ce 18 décembre pour finaliser cette démarche. Donc, je souhaite également rassurer les associations. Un nouveau formulaire avec les nouveaux critères sera rapidement produit et un temps raisonnable pour les retours sera accordé. Donc, ainsi qu'un accompagnement du service de la vie associative pour ceux qui le souhaitent. Donc, je vous remercie. Merci. Et d'autres ? Ah, vous êtes levé en même temps. Monsieur Vionnet, allez-y. Juste pour dire que nous voterons pour cette délibération. Monsieur Jamais. Oui, c'est pas pour dire la même chose. Oui, effectivement, Monsieur Taravella l'a répété tout à l'heure, c'est effectivement traditionnel. C'est une question que j'ai oublié de vous poser en commission, mais pardonnez-moi, mais est-ce que c'est à ce moment-là où on vote aussi la subvention pour le casque ? Parce que je ne la vois pas, et voilà, c'était juste cette question que j'aimais vous poser. Alors, s'agissant en particulier du casque, alors d'abord le casque n'est pas tout à fait dans la même situation au sens où le casque n'a pas de masse salariale propre hein, puisque c'est comme vous le savez via la ville et n'a pas de locaux propres non plus puisque c'est évidemment des locaux de la ville mis à disposition. La difficulté pour le casque fait partie de la liste des associations pour lesquelles la convention est arrivée à échéance, arrive à échéance au 31 décembre 2020 et donc légalement nous ne pouvons pas voter d'acompte pour des associations qui n'ont pas de convention qui seront en vigueur au 1er janvier 2021, qui correspond à l'exercice sur lequel ces acomptes seront versés. On a été interpellé par M. Lalo, hein, donc il y a des échanges qui ont commencé sur la future convention du casque, mais en tout état de cause, le casque aura bien sûr une subvention en 2021, mais pas sous le format acompte à ce stade. Et on leur a versé le solde de la subvention. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération 10, autorisation de liquider, mandater les dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2021. Est-ce que vous avez des questions, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 11, approbation du marché relatif à des prestations d'assurance de la flotte automobile. Olivier, tu veux dire un mot ? Rapide. On renouvelle donc le contrat arrivé à échéance. Nous avons eu un appel d'offres qui est passé donc en CAO avec la SMACL qui a eu la meilleure note à la fois sur le critère technique et sur le critère prix et qui est sur une prestation pour 81 081 euros qui est légèrement inférieure à la prestation de la période de marché précédente. Donc c'est favorable pour la collectivité. Des questions, des observations, Monsieur Vionnet. Oui, là, nous voterons contre cette délibération sans, au-delà de l'aspect technique de l'appel d'offres qu'évoquait Monsieur Taravella, parce que c'est une question qu'on a déjà eu l'occasion de soulever sur l'importance de la flotte automobile municipale, qui est très coûteuse. Bon, elle l'est ici en assurance à 80 000 euros, mais c'est très marginal, évidemment, par rapport au coût d'ensemble de la flotte, qui pose dans une ville de la taille de Bagnolet des vraies questions non seulement financières, mais aussi écologiques, hein. D'autant plus quand on voit dans les décisions du maire que la ville doit en plus encore recourir à de la location pour un minibus. Donc On a l'impression que cette flotte est à la fois totalement surdimensionnée depuis longtemps et de surcroît visiblement non adaptée aux besoins puisque la ville doit recourir à des locations en surplus. Bah, figurez-vous qu'on partage, on partage en partie votre avis puisque on a demandé à Brahim Akrour de travailler à la rationalisation du parc auto avec pour objectif sa diminution. Edouard. Non, mais justement, c'est ça, c'est diminuer, décarboner et pas nécessairement immobiliser. Donc, si vous avez des besoins ponctuels, pourquoi acquérir un véhicule que vous pouvez louer pour un certain nombre de prestations si dans le même temps, on s'engage et on s'engage à diminuer la flotte de véhicules, à mettre au rebut un certain nombre d'entre eux, à décarboner l'ensemble et à rationaliser les usages, c'est-à-dire en gros partage. Voilà. D'autres observations ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Approbation de l'avenant de transfert pour le marché global de performance sur la conception, la réalisation et la maintenance d'une école maternelle, d'un centre de loisirs et d'une crèche. Olivier Taravella. Bien, donc vous le savez, lors de l'exercice 2018, nous avons passé au conseil municipal un projet de reconstruction de l'école Pêche d'Or et la création d'une crèche et d'un centre de loisirs qui a été adopté à l'unanimité du conseil municipal sur la base d'un projet que le jury de concours également avait adopté à l'unanimité. Ce projet a été commencé d'être mis en œuvre courant 2019, une fois un certain nombre d'études réalisées. Et puis, il y a eu un élément de blocage sur lequel, j'imagine, on débattra tout à l'heure. Et ensuite, évidemment, à partir de septembre 2019, une période électorale qui n'a pas rendu favorable l'avancée du projet. Dans le même temps, la société Hervé a fait partie, malheureusement, des sociétés du secteur du BTP qui ont été rudement touchées par la crise induite par l'épidémie. Elle s'est retrouvée en redressement judiciaire. Et dans le cadre de l'opération de redressement, elle a été reprise par la société Fiducim, qui, dans l'opération de reprise, a souhaité reprendre l'actif que constituait le contrat de réalisation de cette école. Pour ce faire, elle a créé un nouveau groupement qui s'appelle donc groupement Hervé Hervé, pour la réalisation de l'école. Nous avons rencontré ce groupement il y a maintenant quelques semaines, qui nous a fait part de sa volonté de respecter les conditions du contrat et donc de mettre en œuvre la réalisation de l'école comme prévu dans le contrat initial. C'est pour permettre effectivement la réalisation donc de ce projet que nous devons passer un avenant de transfert, qui est une opération purement technique, hein, donc de transfert juridique entre l'entité précédente et l'entité nouvelle. Mais évidemment, c'est l'occasion d'évoquer le projet de l'école Pêche d'Or, puisque nous avons, vous le savez, écrit Monsieur le maire et les trois présidents du groupe de la majorité à l'ensemble des habitants du secteur pour leur faire part des réflexions qui ont été les nôtres maintenant depuis quelques mois pour relancer rapidement ce projet d'école. L'engagement avait été pris depuis longtemps par Monsieur le maire que les deux immeubles qui devaient être construits sur l'actuelle école Pêche d'Or ne seraient pas réalisés, puisque renseignements pris, vérifications faites, aucun lien juridique ne nous contraignait vis-à-vis des FAGE pour la réalisation de ces immeubles, contrairement à ce qui a pu être dit par-ci, par-là. Évidemment, la ville se privait de 2 millions d'euros de recettes qui étaient prévues dans l'équilibre général initial de la rénovation urbaine du quartier, en plus des 5 millions dont nous nous étions déjà privés en dédensifiant de 600 à 400 logements le projet, mais c'est un choix évidemment politique que nous avons fait pour permettre à la fois de garder une qualité de cadre de vie dans ce quartier qui s'était déjà densifié en partie, et puis pour permettre la réalisation d'un projet qui soit à la fois écologique, qui soit qualitatif et qui permette de garder à la fois l'école et la bergerie qui est devenue également un acteur important du secteur. Le projet que nous allons proposer est un projet qui permet donc de maintenir sur une même parcelle à la fois l'école, avec donc, sa crèche et son centre de loisirs, qui bénéficiera de quelques adaptations marginales par rapport au projet initial pour permettre la création d'une plus grande esplanade, le maintien de plus d'arbres par rapport au projet initial et pour permettre la création d'un grand espace vert de 1500 m² sur l'actuel terrain de l'école Pêche d'Or et permettre le maintien donc, en fond de parcelle sur, l'ensemble de la, sur la même parcelle qu'initialement prévue, la bergerie sur une surface d'un peu plus de 1100 m², soit une surface légèrement plus grande que la surface actuellement occupée par la bergerie sur la rue Raymond Lefebvre. Donc nous avons la volonté de mener ce projet rapidement. Nous allons concerter les habitants en lien avec les élus chargés de l'éducation au début de l'année prochaine pour finaliser les éléments évidemment d'organisation du projet, pour débattre de la manière dont ce projet sera conduit pour réduire les nuisances, évidemment, pour les riverains et optimiser la présence de l'ensemble des acteurs sur le site, développer l'agriculture urbaine, développer de la végétalisation, amener peut-être des vergers, retrouver cette tradition bagnoletaise autour de la pêche. Et nous avons un certain nombre d'associations qui sont intéressées, évidemment, pour s'inscrire dans ce projet. Donc, je ne fais pas plus long. Mes collègues compléteront notamment sur le volet, évidemment, scolaire, mais je voulais présenter les choses de cette manière. Frédéric. Merci, Monsieur le maire, mesdames et messieurs. Donc, je parle au nom du groupe Bagnolet en commun, mais je crois qu'on est, on se réjouit tous de l'avancement de ce projet, hein, d'une reconstruction d'école qui avait été, donc, comme vous l'avez dit, Monsieur Taravella, votée à l'unanimité en 2018, c'est-à-dire aussi par l'opposition. C'est un projet partagé. Par tous sur la ville. Il s'agit, je le répète, en premier lieu de reconstruire une école publique, l'école Pêche d'Or que vous connaissez, d'en augmenter la capacité pour répondre aux futurs besoins du quartier et de la ville dans son ensemble, répondre aux besoins de la démographie scolaire qui se modifie. Le bâtiment de l'école comportera aussi une crèche et un centre de loisirs et les bâtiments sont attendus depuis longtemps. Les bâtiments de logements privés, là encore vous l'avez dit, prévus dans le projet initial, ont été abandonnés. Et même si cette décision ne va pas sans un manque à gagner pour le budget de la ville, nous la saluons, car elle permet des améliorations par rapport au projet initial. Ces améliorations, nous y tenons. Il s'agit d'élargir le parvis devant l'école, d'avoir de la végétation, des arbres devant la façade de cette école, de préserver les grands arbres, s'ils sont sur la parcelle, et de choisir une cour déminéralisée dès le départ. Le bâtiment sera construit avec des matériaux durables et de qualité. En tout cas, nous ferons en sorte que ce soit ainsi, selon les normes de haute qualité environnementale. Comme vous l'avez dit, la bergerie restera sur la parcelle au contact de l'école. C'était une ambition importante et un nouveau jardin sera créé avec verger et des jeux pour les enfants. Nous verrons le groupe de travail. Mais voilà, je trouve que c'est un projet qui nous tient à cœur. On est content de le faire avancer ce soir. Merci. Merci Frédéric. Madame Laurence. Je vous remercie de me donner la parole, Monsieur le maire. J'aimerais revenir très rapidement sur le débat introductif sur le règlement intérieur. Non, madame, vous ne revenez pas sur le règlement intérieur. Nous sommes sur la délibération sur Hervé. Donc, vous avez la parole sur Hervé. Vous avez la parole sur Hervé, madame. Vous n'avez pas la parole. Non. Madame Laurence. Retrouvez votre calme, Madame Laurence, et revenez au sujet. Hervé et Pêche d'Or. Allez-y, Hervé et Pêche d'Or. Mais c'est, Madame Laurence, on a eu le débat. Madame Laurence, allez-y, allez sur le sur Hervé. Je vous le fais pas dire. Madame Laurence, pour vous répondre. Maintenant. Madame Laurence, pour vous répondre, je vais répondre à votre intervention sur les règlements intérieurs. Donc, vous n'avez pas participé à deux conférences des présidents. Vous avez le droit, mais vous n'y êtes pas venu. Vous n'avez pas participé à la bourse des locaux. Vous avez le droit, mais vous n'y êtes pas venu. Vous n'êtes pas venu à la commission de sélection des offres de logement. Donc, vous avez le droit de ne pas venir, mais vous n'y êtes pas venu. Donc, à un moment donné, on n'est pas là pour donner. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons, nous ne sommes pas là non plus pour en recevoir. Les réunions, les commissions se réunissent, ils sont ouverts à l'opposition. Vous y êtes les bienvenus pour venir travailler. Et croyez-moi, vous y êtes vraiment les bienvenus pour venir travailler. Mais venez-y, allez-y. Bravo pour la censure, surtout en cette période, avec toutes ces avancées démocratiques au niveau du gouvernement. C'est bien, vous allez dans le même sens, bravo. Revenons sur la question de la bergerie, en effet. De l'école, Madame Laurence. Oui, mais c'est aussi sur le site de la bergerie, et j'aimerais quand même, effectivement, toucher deux mots. Moi, j'aimerais quand même revenir sur le gâchis. Excusez-moi, vous pouvez mettre votre masque quand vous parlez. Vous pouvez mettre votre masque, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, pardon. Du coup, là... J'aimerais, moi, revenir sur le gâchis, effectivement, du projet urbain que représente le projet que vous avez réalisé depuis 6 ans au Malassis. Dire combien, d'un point de vue écologique, c'est absolument catastrophique et rétrograde. La bergerie, 14 voix, Madame Laurence. Et vous allez me couper la parole combien de fois, Monsieur le maire, en fait ? Vous avez fait 14 voix dans les deux bureaux de vote des Malassis. La mesquinerie, c'est... Non, c'est les faits. C'est le carnaval, ce soir. C'est les faits. On peut quand même prendre la parole, on peut quand même développer des idées, on peut quand même débattre. C'est autorisé. Voilà, merci. Vous avez même dit déjà que nous avions juridiquement tort, parce que nous étions politiquement minoritaires. Donc c'est une répétition par rapport au dernier conseil. Monsieur Vionnet, on a tous été minoritaires dans notre vie. Voilà. Ah, on est à l'école, c'est formidable. Alors, juste une chose. Je reprends et j'aimerais vraiment qu'on me laisse parler, en fait, si possible. Si tout le monde est OK avec ça. Merci beaucoup. Le fait que, sur ce site, en fait, le projet des Malassis a évidemment été absolument catastrophique d'un point de vue écologique et d'un point de vue urbain. Pourquoi ? Précisément parce que la bergerie aurait pu être une opportunité urbaine, une occasion de produire un projet absolument exemplaire, voire même un manifeste, je pense, de ce que peut être la ville durable. Partout en Île-de-France, aujourd'hui, on parle d'innovation et de ville de demain. Au Malassis, on avait effectivement, il y a 6 ans encore, tous les ingrédients pour y parvenir. On avait des arbres remarquables, dont beaucoup ont été évidemment abattus, on le sait. Et on avait de vastes espaces paysagers tout aussi remarquables qui ont permis, il y a plus de 10 ans, à Gilles Amard d'implanter une bergerie. Il appelait ces vastes espaces paysagers des prés. Et cette richesse environnementale, cette biodiversité, au sein de cette biodiversité, la bergerie, elle avait un rôle évidemment d'amplificateur et de démultiplicateur de cette richesse. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a la présence des animaux qui permet, entre autres, aux enfants d'avoir un accès à la nature, alors que je pense qu'au Malassis, beaucoup d'entre eux n'ont pas l'occasion d'aller à la campagne bien souvent, mais sur la question de la biodiversité, le pâturage d'un côté et le compostage de l'autre mettent en exergue un écosystème vertueux. Et c'est précisément ça qui permettait au projet urbain de s'appuyer avec une véritable vision urbaine, de s'appuyer non pas sur le déroulement de kilomètres carrés de béton, mais sur cette notion si précieuse d'écosystème. C'est ça qui aurait précisément pu en faire de ce quartier la démonstration de ce que peut être l'écologie urbaine. Vous avez évidemment, depuis 6 ans, fait tout le contraire, en abattant de nombreux arbres et en réduisant les espaces verts. Et en réduisant, bien entendu, en cela, l'amplitude de la bergerie. J'ai le triste constat, nous faisons le triste constat, que votre marque de fabrique, Monsieur Tony Martineau, c'est vraiment la destruction. Mais c'est ce que j'ai dit, mais continuez à me couper la parole, allez-y. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous pouvez éviter d'écorcher mon nom. Je n'ai pas écorché vos noms, mais Tony Di Martino. Votre marque de fabrique, Tony Di Martino, monsieur le maire, c'est vraiment la destruction de tout ce qu'il y a de poétique, de vertueux, et tout ce qui relève du patrimoine. Outre les malassis, on pense aussi à tous les autres projets patrimoniaux architecturaux de la ville, que ce soit Belin, que ce soit Langdowski, partout, et puis les projets évidemment de la dalle des Malassis que vous avez prévu de détruire aussi. Enfin, vraiment, votre marque de fabrique, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la destruction. Donc moi, je me pose la question, est-ce que vous aimez cette ville? Est-ce que vous aimez cette ville? Et si vous l'aimez, c'est assez tordu, j'avoue. Aujourd'hui, vous nous proposez un vote sur cette crèche, cette école, ce centre de loisirs, en lieu et place de la bergerie, en nous faisant croire que c'était compatible, que ces deux, c'est sur cette même surface quasiment, on pourrait effectivement développer ces deux programmes. Mais vous créez en fait les conditions d'une situation forcément de conflit, si ce n'est en fait le vrai projet serait évidemment d'évincer la bergerie. Je note, et je finirai par là, la déloyauté de cette proposition, dans le sens où pendant toute la campagne, tout le monde avait compris que l'école ne se ferait pas. Pendant toute la campagne, les gens qui ont voté pour vous avaient bel et bien compris que cette école ne se ferait pas et que la bergerie serait préservée en l'état. Écoutez, Madame Laurent, c'est dans votre esprit que les gens ont compris que ce projet ne se ferait pas. Je vous invite à relire ce qu'on a écrit sur le sujet. Moi, je vous invite à aller voir les habitants des Malassis, discuter avec eux. Et j'aimerais finir, Frédéric Gabin, par vous dire que ce projet partagé peut-être par vous, ensemble, là, ici, mais certainement pas par Gilles Amar. Ah ouais, c'est grave. Va s'indoucisser, tu as la parole. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Sur la reconstruction de l'école Pêche d'Or, et j'insiste sur le mot reconstruction qui a pour synonyme, entre autres, réédification et amélioration, parce que bien évidemment, les mots ont un sens. En tant qu'élu référent du quartier des Malassis, moi, je ne peux que me réjouir de cette perspective. D'autant plus que, il me semble important de le préciser, ce projet fera l'objet d'une concertation active avec les habitants, la communauté éducative et l'association Sort des Terres. C'est un projet qui répond par ailleurs aux besoins grandissants des familles. En effet, ce secteur de la ville a connu un rebond démographique à laquelle nous devons répondre rapidement. Nous devons aussi répondre rapidement aux attentes en matière de réussite éducative. Or, cette réussite éducative passe par l'amélioration du cadre de vie et l'accès à la nature. Enfin, nous avons à cœur de faire découvrir à nos enfants leur environnement dans toute sa diversité et à leur apprendre à s'en faire ami. C'est ainsi que nous pourrons vivre mieux dans notre monde commun, maintenant et demain. Je vous remercie. Madame Le Bourris. Oui. Concernant donc la reconstruction de l'école maternelle Pêche d'Or, j'imagine que cette augmentation de capacité d'accueil des élèves a été réfléchie en amont d'une continuité pédagogique, parce qu'effectivement un élève va à l'école de la petite section jusqu'au CM2. On sait que l'école de secteur, par exemple, c'est l'école Eugénie Coton. Les enfants qui sont scolarisés à Pêche d'Or, ensuite, vont continuer leur scolarité à l'école Eugénie Coton. Est-ce que, et effectivement, vous avez réfléchi à la continuité, à savoir une école élémentaire? Est-ce que vous pensez, par exemple, que les écoles qui sont du quartier, Henri Vallon, Jules Verne, Eugénie Coton, pourront, par la suite, avoir cette même capacité d'accueil? Merci. Oui, quelques éléments. Il y a besoin de ces équipements publics. Et Madame Laurence, s'il vous plaît. Donc, vous aviez compris que l'école ne se ferait pas, mais Monsieur Jamais aussi avait voté pour. Donc le but du jeu, c'était que l'école se fasse et le centre de loisirs et la crèche. C'est pas comme si on avait des milliers de places vacantes de crèche à Bagnolet. Donc c'est un équipement qui vient en plus. Dans ce quartier, on l'accueille, il est bienvenu. Sur la question de la bergerie, on l'a écrit, on le redit ce soir, c'est oui la bergerie, oui sur une même parcelle, elle ne déménage pas de parcelle, et pour une surface plus importante, en gros 10% de plus. Troisième chose, oui c'est un projet pensé et on le regardera ensemble, j'espère, justement pour que la bergerie soit en dialogue avec l'école. Donc c'est un projet global. Là, ce n'est pas de la destruction. C'est justement du dialogue, un espace vert entre les deux qu'on doit penser ensemble. On parle d'arbres fruitiers, c'est pas un vain mot, c'est pas une idée qui sort comme ça, comme un gadget d'espace vert, de jeu pour les enfants. Donc c'est important. Après, sur la question de la démographie scolaire, je pense qu'on l'a tous dit, alors il ne faut pas que je revienne à la campagne, je vais juste revenir 20 secondes à la campagne. Oui, on l'a tous dit pendant la campagne, il faut davantage d'équipements scolaires, d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires. Donc, sur la question du parcours, on a besoin de classes de maternelle. Où est-ce que les enfants vont aller après? Il y a des écoles primaires autour, donc vous y faisiez référence, Coton, et les autres écoles... Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elles sont en surcapacité? Coton davantage, Vallon-Verne moins. Et ce qui n'empêche pas, là, de démarrer un projet tout de suite et de penser la suite, actualiser nos études de démographie scolaire, travailler sur la sectorisation, travailler sur le fait qu'on évite de faire de l'évitement scolaire. Quand on a de l'école publique, on va à l'école publique de son quartier. C'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on pense ensemble. Mais on peut faire un groupe de travail, on peut se réunir et travailler là-dessus. Moi, je suis très, très partant. Si on veut, on peut travailler ensemble sur la démographie scolaire, il n'y a pas de souci. Allez-y. Je prends... j'honore l'invitation. Ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est le moment d'anticiper. Enfin, je veux dire, c'est une vraie question, la continuité pédagogique. Et je pense qu'il y a urgence à y réfléchir, vraiment. Eh ben, on peut y réfléchir ensemble. Bienvenue, Madame Le Bourris. Olivier Taravella. Moi, je suis assez surpris par l'intervention de Mme Laurence, parce que, indépendamment de la campagne électorale, effectivement, du résultat qui, quand même, à un moment donné, traduisent l'intérêt que les habitants du quartier ont pu porter à telle ou telle proposition, telle ou telle manière d'envisager le développement de leur quartier, jamais dans vos propos, ce soir, comme dans d'autres instances, vous n'évoquez l'école. C'est toujours la bergerie. C'est la bergerie, c'est les pâturages, c'est les animaux. Nous parlons systématiquement de l'école, de la crèche, du centre de loisirs et de la bergerie. Pour nous, c'est un écosystème. C'est effectivement des espaces verts, ce sont des activités autour de ces espaces et évidemment un projet éducatif qualitatif. Pour vous, les enfants du quartier, ils n'existent pas. C'est il y a une bergerie, il y a des bêtes, c'est super, mais autour de ça, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis bon, l'école, elle ne se fera pas, ce n'est pas grave. Enfin... Vraiment, je comprends pas. Je n'arrive pas à saisir. Et du coup, j'ai du mal à saisir ce qu'est la position de votre groupe. Parce que Mme Le Bourris, et on sait qu'elle est très investie sur ces questions, pose à juste titre les enjeux scolaires. Vous nous parlez, fait comme si l'école n'existait pas. Je ne sais pas si vous êtes contre l'école et pour la bergerie, pour l'école et contre la bergerie, un peu des deux, ni oui ni non. Je vais vous permettre de répondre, du coup. Voilà, j'ai vraiment du mal à vous suivre. Il va finir et vous pourrez répondre. J'ai vraiment du mal à vous suivre. Et franchement, je trouve assez choquant que, après effectivement tous les débats qui ont pu se faire pendant la campagne électorale, et encore une fois indépendamment de celle-ci, vous puissiez continuer de l'extérieur. Parce que quand je dis de l'extérieur, c'est encore une fois l'autre soir avec Vassindou, avec Émilie Trigaud, on était en conseil de quartier des Malassis. On a présenté ce qu'on a évoqué ce soir. Et les habitants étaient très satisfaits. Les habitants du quartier, ils étaient très satisfaits de la proposition. Évidemment, ils attendent de voir dans les concertations les éléments de détail, ce qui est normal. Mais Enfin, encore une fois, ça répond aux demandes. Donc, qu'est-ce que vous avez comme difficulté avec cette école ? À un moment donné, j'aimerais comprendre pourquoi vous voulez mettre absolument en tension, en opposition, l'intérêt des enfants à l'école et la bergerie, un intérêt privé de celui qui l'occupe aujourd'hui. Je ne comprends pas. En fait, il y a deux niveaux de réponse. Vous avez la parole, Madame Laurence. Merci. Il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est effectivement cette question de l'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes là depuis longtemps, donc vous avez pu constater combien la bergerie, l'amplitude de la bergerie dans le quartier n'est plus du tout opérante. C'est-à-dire que ne serait-ce que de voir les 2 mètres de fumier sur la bergerie, alors qu'il y a 6 ans, ça n'existait pas, il y avait vraiment la pleine terre et le gazon, la pelouse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bêtes sont sur 2 mètres de fumier. Pourquoi elles sont sur 2 mètres de fumier ? Parce qu'effectivement, le compostage, le fait de composter ce fumier dans le quartier, qui avait des vertus pédagogiques pour l'ensemble du quartier, sur les questions écologiques, notamment évidemment, ne peut plus se faire. Et étant donné qu'il n'y a plus de prêts, le troupeau ne peut plus se nourrir non plus, et on est obligé d'acheminer du foin. Donc tout ça, tout ce travail urbain à l'échelle urbaine, puisqu'aujourd'hui le quartier est quand même fortement densifié, et qu'il y a des clôtures partout, c'est-à-dire que même en termes d'aménagement des espaces publics, on ne peut plus cheminer comme on cheminait il y a encore 6 ans dans les Malassis. C'est clôturé de toutes parts et on est obligé de faire des détours. Et c'est sûr que le troupeau ne peut plus fonctionner normalement. Et du coup, de plus en plus, la bergerie effectivement est repliée sur elle-même et de plus en plus complètement contrainte dans ses, je ne sais plus, entre 800 et 1000 mètres carrés effectivement de parcelles. Ça, c'est une première chose. C'est effectivement approcher les Malassis, le projet urbain des Malassis, aurait voulu qu'on tienne compte de la façon, pas seulement du périmètre en fait, de la bergerie, mais aurait voulu qu'on tienne compte de son mode de fonctionnement et des vertus écologiques qui résonnaient en fait, à l'échelle de tout le quartier. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement le fait que qu'on décide d'implanter une école, un programme d'école sur ce site, on sait que ça va générer des conflits d'usage. On le comprend tout de suite. Il suffit de voir la taille de la bergerie qui déjà n'en peut plus et étouffe. Et ça se voit, c'est 2 mètres de fumier, c'est ce que ça veut dire. Et le fait de rajouter, de densifier encore, que ce soit une école ou autre chose, ça va complètement encore plus limiter, si vous voulez, le fonctionnement de cette bergerie. Donc, c'est vous qui créez ce conflit. Ça, c'est le premier point. Après, la question de l'école, évidemment, elle est cruciale à Bagnolet, au Malassis, comme d'ailleurs dans toute la ville. Je vous ferai remarquer qu'à l'école Belin, il y avait une école de 9 classes qui devait être construite, qu'on attend toujours. Petite parenthèse. Sur la question, justement, de continuité pédagogique dont parlait Solène. Alors, quand on regarde l'ensemble de la transformation des Malassis, est-ce qu'on n'avait pas d'autre choix ? Est-ce qu'on était obligé de mettre cette école précisément sur ce site ? On ne pouvait pas repenser très en amont, justement, parce que quand on a une vision et qu'on sait qu'il va y avoir des projections démographiques qui vont impliquer la construction d'écoles, etc., et on le sait quand même très en amont. Donc on peut choisir des sites intelligemment, de telle manière à ce que les conflits d'usage soient minimisés au maximum. Olivier Taravella. Moi, ce que j'apprécie dans votre réponse, c'est qu'elle vient confirmer d'une manière éclatante mon propos. D'abord, je rappelle que ce terrain, il a été conçu dès le départ comme le terrain de l'école. C'est bien un projet d'école qui a toujours présidé sur ce site. La bergerie... Non. Je rappelle que la bergerie a été implantée en 2011. C'est faux, madame. La bergerie a été implantée en 2011. Dans la convention de rénovation urbaine, moi, je n'étais pas encore élu, mais je l'ai examiné. Dans la convention de rénovation urbaine de 2008, qui est entrée en vigueur en 2009, dès le départ, cette parcelle, elle est pour la reconstruction de l'école Pêche d'Or. En 2011, l'ancien maire de Bagnolet a estimé utile, étant donné le calendrier du projet, et c'est des réflexions qu'on a nous-mêmes, d'ailleurs, sur un certain nombre de nos projets urbains, utile de mettre en place un projet transitoire qui permette une occupation du site pour un projet associatif intéressant. C'est ce qui a amené la bergerie sur ce site. Mais la bergerie ne peut pas être, et elle l'est dans vos propos, encore une fois, je veux dire, c'est la bergerie contre tout le reste, et c'est le projet d'école qui est l'ennemi de la bergerie. Je veux dire, à un moment donné... Caricatural, vraiment. Non, Madame Laurent, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, la tension, elle est créée par notre volonté de créer une école. Sauf que, dans le projet de rénovation urbaine initiale de 2008, c'est l'école qui est prévue sur ce site. La bergerie, elle est venue de manière transitoire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y avait au départ une convention d'occupation précaire, une occupation du site, le temps que l'école soit construite. Donc, on voit bien, encore une fois, et vous avez fait une éclatante réponse à ma question, et qui a confirmé ce que je dis depuis le départ, c'est-à-dire que pour vous, les Malassis, c'est une bergerie, et tant pis pour l'école et les enfants. Monsieur Vionnet. Oui, sur ce sujet-là, parce que vous demandiez quelle était la position de notre groupe, Monsieur Tarabella, la position de notre groupe, elle est clairement à la fois un équipement scolaire, petite enfance, et des espaces de jardins partagés, de bergerie. Et effectivement, ce que Claire a exprimé, c'est qu'aujourd'hui, le fait de vouloir mettre les deux programmes sur cette emprise-là nous semble être facteur de conflit. Et vous rappeliez, M. Tarabella, qu'antérieurement à l'installation de la bergerie, ce qui est tout à fait exact, ce terrain était dévolu à une école. Mais justement, entre-temps, les années ont passé... une activité qui, je crois, est appréciée dans le quartier s'est installée. La biodiversité, ce n'est pas un jardin sur le toit construit sur du béton. C'est effectivement de la richesse de terre. C'est des haies et des arbres. Quand on va à la bergerie, on voit une biodiversité au-delà des chèvres et des moutons. On voit une biodiversité qui s'est installée sur ce site qui est tout à fait impressionnante et qui sera nécessairement annulée. Par un projet de construction. Vous évoquiez le vote à l'unanimité. Ce vote, il a quand même été basé à l'époque sur un mensonge, sur « tout va bien, il y a un accord avec l'association en matière de bergerie ». Monsieur, je vous interromps deux secondes, permettez-moi. Ce jour-là, Gilles Amar est venu au conseil municipal pour dire qu'il acceptait le projet. Il a pris la parole. Voilà. S'il y en a un qui a menti, on sait où il est. S'il y en a un qui a menti, on sait où il est. Ce jour-là, il est venu au conseil municipal dire qu'il acceptait le projet. Mais visiblement, les conditions de sa réimplantation étaient loin d'être assurées, et c'est encore le cas aujourd'hui. Après, juste pour conclure sur deux points, cher Frédéric, tu évoquais les améliorations qui peuvent être apportées au projet initial. Si je ne m'abuse, on est dans un dispositif de conception et réalisation, donc où les choses sont assez fortement ficelées avec l'entreprise. Et je souhaite que tes propos soient suivis des faits, mais j'ai quelques doutes sur les marges d'évolution importantes du projet, parce que ce projet, pour vérifier que ma mémoire ne défaillait pas, je suis encore allé contrôler tout à l'heure sur le site de l'architecte, est quand même un bâtiment qui s'installe, ou qui s'installait, on verra à l'avenir, le long de la rue, et c'est bien le long de la rue que plusieurs des grands sujets d'arbres sont implantés, et qui s'installe exactement où est le bâtiment d'aujourd'hui de la bergerie. Alors on peut dire que ce n'est pas grave, c'est comme un meuble, ça se pousse, hein, ça se déplace, je ne pense pas que ça soit vraiment, comme cela. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, sur la compatibilité des choses. Donc j'ai pu avoir votre courrier en main, qui d'ailleurs formellement m'a un peu étonné, parce que c'est un courrier en tête ville de Bagnolet, le maire de Bagnolet. Il est signé par le maire de Bagnolet, ce qui est tout à fait normal. Il est assez usuel que le maire puisse signer avec quelques-uns de ses adjoints. Mais là, il signe avec trois présidents de groupes politiques, ce qui me laisse un peu surpris, parce que du coup, ce n'est plus une expression municipale, mais c'est une expression de groupe politique. J'imagine ce que vous nous diriez si nous utilisions pour notre groupe un en-tête de la ville de Bagnolet. Donc, bon. Mais cette petite surprise formelle étant mise à part, dans le contenu du texte, vous dites ce que vous nous avez redit là, c'est-à-dire vous dites effectivement, école plus, maintien de la bergerie. Factuellement, ce n'est pas le maintien de la bergerie, là où elle est, puisque la construction de l'école engendre la démolition de la bergerie. Deuxièmement, vous dites préservation au maximum. Déjà, au maximum, ouvre la porte à un certain nombre d'abattages des arbres. Si je sais à peu près lire un plan masse et que je sais à peu près regarder où sont les arbres, je pense qu'il va y avoir plusieurs ans, un certain nombre d'endroits où ça ne va pas marcher. Et puis, troisième point, le jardin de 1500 m2. 1500 m2, c'est quand même pas immense, parce qu'aujourd'hui, le site, je re-regardais sa surface, le site de la bergerie et de l'école, c'est 5000 m2. Ce qui est la taille d'un jardin public, souvent en ville, qui fonctionne assez bien. La totalité du site, 1500 m2, ça sera un espace résiduel derrière, derrière l'école. Donc voilà, ce que nous essayons d'exprimer depuis tout à l'heure, c'est qu'évidemment, nous sommes favorables au renforcement, et nous l'avons d'ailleurs dit de longue date, y compris pendant la campagne, mais comme tout le monde, au renforcement d'équipements sur le quartier des Malassis, mais que la volonté absolue de l'école à cet endroit-là, alors que se sont installées depuis 10 ans un certain nombre d'activités, les activités de sort de terre sont d'ailleurs des activités avec les écoles, puisque Gilles Amard travaille à l'école PVC, il travaille avec Jules Verne, donc il y a bien un certain nombre d'activités, et Pêche d'Or, évidemment, juste à côté, donc il y a bien déjà des activités pédagogiques. Donc nous, notre sentiment, c'est que là, on crée effectivement, et donc ne renvoyez pas l'élément de discours, on crée les conditions de rendre deux choses qui devraient être qui devraient ensemble concourir au bien-vivre au Malassis, c'est-à-dire à la fois le renforcement des équipements et le développement de ces activités de jardin, de pédagogie, de présence de la nature en ville, on les rend conflictuels et ça fait des années que ça dure. Et dernière chose, excusez-moi, j'ai oublié un petit détail, par rapport au fait que nous aurions inventé qu'à un moment cette école semblait abandonnée. On l'a d'ailleurs déjà évoqué en commission avec M. Taravella, lors du budget, vous avez quand même présenté une provision ou des frais liés à la non-réalisation de l'école. Donc à un moment donné, la question de la réalisation de l'école à cet endroit-là a bien été posée. Monsieur Vionnet, je vais donner la parole à Frédéric. D'abord, je vais vous répondre. Effectivement, on a supprimé des crédits sur 2020, ça n'a échappé à personne. On a supprimé les crédits sur 2020, ce qui correspond à ce que vous venez de dire. Premièrement, vous confirmez ce qu'a dit Olivier Taravella et ce que visiblement Mme Laurence ne semblait pas savoir. C'est que dans le projet initial du PRU, voté par le conseil municipal en 2008 et approuvé par l'ANRU en 2009, il y avait bien un projet d'école sur ce site. Et que donc, ensuite, la bergerie est venue s'installer et a développé un projet intéressant. Je pense qu'il faut remettre à l'endroit les choses. Et vous êtes arrivé au pouvoir en 2014. Madame, donc les bergeries étaient bien. Madame, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Apprenez à écouter les autres. Vous avez expliqué qu'Olivier Taravella mentait lorsqu'il disait que le projet d'école était antérieur à l'arrivée de la bergerie. Monsieur Vionnet, qui connaît bien le sujet puisqu'il était en poste à l'époque, confirme, parce qu'on peut avoir des désaccords, mais à un moment donné, il faut rétablir les faits. Il y avait un projet d'école sur ce site en 2008 et en 2009. La bergerie est arrivée ensuite et maintenant il faut concilier les deux. Il faut concilier les deux. Donc nous avons toujours dit au cours de la campagne qu'il y aurait une école, une crèche, un centre de loisirs et une bergerie. Ensuite on me dit Gilles Amard il a changé d'avis sur le projet. Il a le droit d'avoir changé d'avis. Je lui ai dit vous avez le droit de changer d'avis. Mais Gilles Amard il est venu ici en conseil municipal pour dire qu'il acceptait de déménager au fond des préjumeaux. Je veux dire, on était un certain nombre à avoir entendu les choses. Et on a engagé un certain nombre de discussions avec lui pendant plusieurs mois, y compris avec Eiffage. Y compris avec Eiffage, qui était sur le point de lui confier une mission pour l'aménagement d'un futur espace vert qui, à l'époque, était de 700 m2. Donc, si vous voulez, les discussions, elles ont avancé, elles ont poussé. En juillet 2019, à quelques mois des élections, on comprend bien pourquoi il a changé d'avis. On en a pris acte. On en a pris acte. Sauf que maintenant, on va avancer. Lui, ce qu'il nous a dit à plusieurs reprises, c'est qu'il veut rester collé à l'école. Donc on verra bien s'il accepte, parce qu'effectivement, il va falloir qu'il bouge. Il va rester sur le périmètre, il va rester sur le site. Il n'ira pas au fond des préjumeaux entre la rue Saint-Simon et la rue Babeuf. Il va rester sur le site, mais il faudra qu'il bouge un peu. Voilà. Et donc, on verra bien qui accepte de concilier l'éducation, l'écologie et le bien-vivre au Malassis. Frédéric. Merci, monsieur le maire. Deux éléments en réponse aux commentaires et aux questions de monsieur Vionnet et de madame Laurence. La première, c'est sur les modifications du projet à la marge. Donc oui, on est tout à fait conscient des obligations qui ne permettent pas de faire, qui réglementent la modification du projet initial, mais ces marges sont connues, et le fait de repositionner l'école pour gagner de la place sur le parvis et de mettre une ligne végétale et d'arbres devant devrait pouvoir rentrer dans cette marge. La possibilité de déminéraliser la cour aussi, et en conservant les grands arbres. Les marges dont on parle, c'est aussi les marges qui sont offertes plus globalement sur la parcelle par la non-réalisation de la construction de logements privés, qui a donc été abandonnée. Et c'était ça, la plus grande marge, elle vient de là. Et c'est celle qui permet, effectivement, sur la parcelle, de faire cohabiter, sans conflit d'usage, l'école, la bergerie et un nouveau jardin, et la crèche et le centre de loisirs. Et donc, ça me permet d'enchaîner sur la réponse à madame Laurence. Moi, quand je passe devant la bergerie, ou que je m'y rends, je lis le panneau à l'entrée. Et le panneau à l'entrée, il dit quoi? Il ne dit pas qu'il faut construire l'école ailleurs. Il n'a jamais dit qu'il fallait construire l'école ailleurs. Moi, ce que je comprends ce soir, c'est que l'opposition veut construire l'école ailleurs. Trouver un site, recommencer un projet, on en a pour 10 ans. Je trouve ça irresponsable. La pétition, elle dit « La nouvelle école et la bergerie veulent rester ensemble ». C'est ça qui est écrit en bleu sur le panneau à l'entrée de la bergerie. C'est ce qu'on veut faire. Merci. Bon, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante. Approbation d'une demande d'aide à l'investissement près de la CAF pour la construction de l'antenne Anatole France. Chauqui. Merci, monsieur le maire. Alors, donc effectivement, cette délibération est aussi importante pour moi. Alors du coup, voilà maintenant, je dirais, 8 ans que je travaillais, que j'évaluais au sein de la structure, donc de l'antenne Anatole France, dans le quartier, dans le cadre du dispositif du CLAS, c'est-à-dire le contrat local d'accompagnement scolaire. Et je dois dire que à l'époque, déjà, les familles et les habitants avaient le sentiment d'être délaissés, le sentiment de ne pas être traité comme le reste des quartiers de la ville. Il faut dire que l'infrastructure y était vétuste, le quartier enclavé et limitrophe avec Romainville. Les habitants sont totalement happés par les commerces de cette commune voisine, pardon, et finissent par se tourner vers Romainville au point de se sentir plus proche de la municipalité de Romainville que de celle de Bagnolet. Je suis donc très heureux ce soir de participer avec vous à l'approbation de cette demande d'investissement, encore une fois accordée par la CAF, qui demeure notre partenaire privilégié. Cet investissement, pour revenir sur le sujet, je dois dire que ce n'est pas que des chiffres ou de l'argent, mais c'est bien plus que cela. Il s'agit surtout en fait d'accueillir le public, la population dans de bonnes conditions. La population du quartier, les familles qui par le passé étaient bien souvent trop nombreuses et ne pouvaient pas bénéficier de la structure qui leur était accordée à l'époque au même moment. Ces familles qui souvent faisaient la queue dehors, parfois dans des conditions pas très tenables, qui ne pouvaient pas bénéficier de services publics élémentaires, tels que les permanences de l'écrivain public, par exemple, pour ne citer que cet exemple-là, car le nombre de demandeurs était trop important pour cette petite structure. C'était aussi le cas pour les activités de loisirs où des mères de famille attendaient impatiemment à l'extérieur de la structure, parfois très tôt le matin, avec des conditions climatiques de température très faibles, etc. dans le seul espoir de pouvoir bénéficier des activités de qualité et de pouvoir inscrire leurs enfants, de leur permettre de s'ouvrir au monde de la culture, des loisirs, de tisser des liens intergénérationnels, mais aussi des liens sociaux ensemble, et de transmettre des valeurs. Fort heureusement, une fois encore, les agents de la ville, à l'époque, ont su relever le défi. Le challenge y était de taille. Ils ont su tout mettre en œuvre pour permettre aux habitants du quartier de s'organiser, de bénéficier de leurs droits, de participer à la vie citoyenne, de réclamer une structure digne. Je profite de l'occasion pour saluer tous ces agents, toutes ces femmes, tous ces hommes, et je les remercie de leur engagement aux côtés de la population. Et je suis particulièrement ému et fier ce soir pour toutes ces familles qui attendaient depuis si longtemps ce lieu de vie. Malheureusement, certaines personnes ne sont plus ici pour le voir, pour constater le résultat, et pourtant elles ont été le moteur de ce projet, de la mobilisation des habitants qui ne demandaient qu'un centre de quartier digne de ce nom pour toutes les maires et tous les autres habitants du quartier. Je pense notamment à Madame Barouni, et je salue ses enfants ainsi que tous les habitants du quartier ce soir. Donc, nous allons soutenir ce lieu de vie qui sera la seule structure du quartier, le seul service public. Et encore une fois, nous allons continuer nos efforts pour améliorer le cadre de vie ainsi que les perspectives d'accès au savoir pour tous les habitants de notre ville. Je vous remercie. Merci, Chocky. Des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante, approbation d'une convention d'objectifs et de financement entre la ville et la CAF pour l'accueil de jeunes enfants à la crèche familiale multi-accueil Nemo. Zora. Bonsoir à tous. Je souhaite rappeler que cette convention d'objectifs et de financement est un renouvellement qui s'inscrit dans nos engagements en maintenant, tout en luttant contre l'offre d'accueil tout en luttant contre les inégalités sociales afin de promouvoir la mixité et l'épanouissement pour les enfants. J'en profite pour vous annoncer que suite à un nouveau recrutement d'une nouvelle auxiliaire de puériculture à la crèche Viennot, nous pouvons faire les démarches nécessaires afin de permettre dans les prochains mois l'extension de 5 berceaux supplémentaires. Merci. Merci, Zora. Des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante. Attribution d'une subvention d'investissement et d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement à la compagnie publique Chérie, Théâtre de l'Échangeur. Quelques mots d'introduction pour... Rappelez que la ville travaille depuis 18 mois maintenant à l'accompagnement du projet de reprise des lutteries urbaines avec l'échangeur, car ce projet présente un intérêt culturel fort pour la ville et ses habitants. L'objectif est d'arriver à construire des partenariats cohérents et stables entre les associations locales, les centres de quartier et l'échangeur quant à l'utilisation de ce lieu aux multiples potentiels. Je rappelle qu'il y a eu un certain nombre de réunions depuis 18 mois avec l'ensemble des acteurs institutionnels, la ville, représentée à l'époque par Émilie Trigault, aujourd'hui par Merlane Georges et moi-même, et qu'aujourd'hui, seule la ville de Bagnolet accompagne le théâtre de l'échangeur dans son projet. Je suis également intervenu directement auprès du président du Conseil général, Stéphane Troussel, il y a quelques semaines maintenant, pour faire en sorte que le dialogue reprenne entre l'échangeur et le département à la suite de la rupture des discussions entre la vice-présidente Mme Derkaoui et Régis Hébette. Alors oui, la ville de Bagnolet soutient l'échangeur. Et c'est l'objectif de cette subvention composée de 17 000 euros en investissement et 8 000 euros en fonctionnement, soit 25 000 euros au total. Alors oui, ce n'est pas à la hauteur de ce que pourrait souhaiter l'échangeur, mais c'est à la hauteur de ce que peut financer la ville dans un contexte où il a fallu financer pour 600 000 euros de dépenses exceptionnelles liées au Covid, tandis que dans le même temps, la perte de recettes se chiffre à 1,5 million d'euros pour notre commune. Alors je peux vous dire que je suis fier, que nous sommes fiers de pouvoir apporter ce soutien dans le contexte actuel, difficile, et que notre volonté est de pouvoir continuer à travailler avec l'ensemble des acteurs locaux et institutionnels pour soutenir l'échangeur dans le cadre d'un partenariat intelligent et bénéfique pour tous. Voilà ce que je pouvais vous dire en guise d'introduction. Monsieur Jamais. Oui, avant d'en venir précisément à la situation de l'échangeur, mais je voulais avoir un petit mot quand même sur la situation grave que vit la culture dans notre pays. Et je suis tombé sur une phrase ce matin de Jacques Ralite, ancien ministre, militant communiste et par ailleurs un homme immense sur les questions et les enjeux culturels, qui disait « c'est au moment où tout va mal que nous avons le plus besoin de culture ». Et quand même, on est dans un moment où on estime que la question culturelle est une question non essentielle, et ça, c'est la manière dont on parle aujourd'hui le gouvernement. Et alors que justement nous sommes précisément dans un moment d'alarme pour la culture, hier après-midi il y avait un rassemblement que je crois salitaire, où les créateurs, les artistes étaient rassemblés à la Bastille, et je voulais dire aussi que nous les soutenons. On est en train de faire mourir la culture, et en premier lieu le spectacle vivant. Le journal L'Humanité le disait dans son édition de mardi, on laisse ouvert les centres commerciaux, les transports, les marchands de fringues, les marchands de bagnoles, les marchands de jouets. Et tout ça, c'est l'essentiel selon Saint Macron, l'essentiel dans l'ordre libéral, contemporain. Resteront fermés jusqu'à nouvel ordre les lieux de désordre et de savoir, les bistrots, les restos, les universités, les ciné, les théâtres, les music-halls, les clubs de jazz, etc. Tous les lieux suspects d'émancipation difficilement contrôlables. Arrêtez de penser, semble nous susurrer le gouvernement, mais continuez de dépenser. Et nous, justement, on pense que dans ce moment précis, nous avons besoin plus encore de sensibles, de débats, de confrontations, de beauté, d'imagination et de création, et que nous avons besoin de soutenir les créateurs au sens large. Nous n'avons jamais eu autant besoin de culture et de création. Dans le mandat précédent, j'étais justement intervenu sur la manière dont on pouvait, alors que vous avez fait référence au Conseil général, mais il y avait aussi les décisions extrêmement lourdes, extrêmement graves qu'a pris la présidente de la région Île-de-France sur les lieux culturels. Et je crois que nous avons besoin plus encore de mettre tous les lieux de culture de notre territoire sous protection, je crois, citoyenne et évidemment de tous ceux qui peuvent intervenir. Donc, quelque part, on aurait pu soutenir votre décision ce soir. On va effectivement voter ce que vous proposez. Mais moi, je tiens à remercier aussi Régis Hébette et Sébastien Lepauvin de s'être adressés à nous et d'avoir attiré notre attention sur la vraie nature de cette proposition, qui n'est plus ou moins qu'un renoncement à un engagement que vous avez pris, à une promesse qui ne sera pas tenue. Nous avons été aussi surpris que, puisque tous les élus de notre conseil municipal ont reçu un mail, que seul donc notre groupe est... selon ce que nous a dit Régis, seul notre collègue Jean-Claude Oliva et Edith Félix ont pris le temps d'une rencontre, d'un échange ou d'une réponse. Et pour nous, cet échange a été particulièrement éclairant. Ce que nous dit le théâtre, c'est qu'il y a eu un engagement ferme de la municipalité d'accompagner la compagnie et le théâtre suite à la disparition d'un lieu de création, les Lutheries, vous l'avez rappelé. Et donc cet engagement était à la hauteur de 17 000 euros en 2019 et de 35 000 euros en 2020, si je reprends les termes du mail et si je ne me suis pas trompé, pour ne pas laisser un lieu de création en déshérence et permettre l'émergence d'un espace articulant art, création, social, culture, enfance, jeunesse, politique associative et des quartiers. En fait, votre proposition de ce soir, c'est d'honorer un engagement de 2019, assorti effectivement de 8 000 euros supplémentaires. Ça fait quand même une différence énorme par rapport à l'engagement que vous avez pris. Ce revirement de la municipalité à l'heure où nous parlons est une vraie catastrophe et aura des conséquences. On n'imagine pas l'échangeur s'engager aussi lourdement comme il l'a fait sans avoir eu une assurance de votre part. Ce revirement aura des conséquences pour le projet, mais aussi pour la structure elle-même. J'en ai parlé tout à l'heure, on est dans un moment particulièrement difficile et c'est évidemment... quelque chose d'encore plus lourd aujourd'hui à supporter. Je l'ai dit aussi, nous allons voter favorablement, mais avec gravité. et avec le sentiment que la municipalité agit quand même avec légèreté, avec tous les enjeux que j'ai pointés. J'ajoute que, bon, c'est pas conforme à ce que nous avons ce soir sur les tables, mais notre collègue Mohamed Jenad, donc, qui était bien présent à la commission ad hoc, il me semble que c'est la commission 3, nous disait que, interrogeant l'élu à la culture, on lui aurait répondu qu'il y aurait une autre note ce soir pour une autre structure qui serait aidée. J'ai rien contre, hein, évidemment, il n'y a pas de souci qu'on vienne en aide à d'autres associations, mais je trouve que c'est dommage de procéder. Alors bon, il n'y a pas de note ce soir, donc ça n'a peut-être pas d'objet, mais en tout cas, il y a besoin d'avoir une discussion entre nous sur, dans les commissions, dans de bonnes conditions, pour examiner ensemble les termes des aides que nous pouvons apporter aux différents créateurs de notre ville. Enfin, nous souhaitons qu'une réunion dans les plus brefs délais soit organisée avec l'échangeur pour trouver une solution à cette situation qui pourrait être une impasse. Monsieur Jamais, d'abord, je vais vous remercier de voter cette délibération. Dans votre introduction, vous avez juste oublié de préciser une chose, c'est que deux jours avant l'envoi de sa lettre, Régis Hébette était en réunion avec l'élu à la culture et le DGA citoyenneté, puisque, si vous voulez, les échanges entre la ville et la compagnie publique Chérie Théâtre de l'Échangeur sont constants et réguliers. Donc je ne voudrais pas qu'on laisse à penser qu'il n'y a pas de contact entre la ville et l'échangeur, puisque deux jours avant l'envoi de cette lettre, il était en réunion avec Merlin George ici présente. Et donc le travail se poursuit. Ensuite, vous faites référence à je ne sais quelle chose qui aurait été évoquée en commission, mais vu les réactions de mes collègues également présentes, avec tout le respect que j'ai pour Mohamed Jenad, je pense que il y a visiblement une incompréhension, si j'en crois Brigitte, si j'en crois Kaline et Merlan. Il n'a pas été dit en commission qu'il y aurait une autre subvention qui serait présentée ce soir concernant une autre structure. Merlan, tu as la parole. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Oui, je tiens à préciser, c'est sûrement une grosse incompréhension de monsieur Jenan qui m'a interpellé et interrogé, car à sa connaissance, il y avait deux théâtres sur la ville de Bagnolet. Il n'y en a pas que deux. La question était si nous étions allés vers les théâtres pour leur faire des propositions de subventions exceptionnelles. J'ai répondu que non, nous n'étions pas allés au-devant des théâtres, mais que nous étions à l'écoute des théâtres. Et s'il y en avait d'autres qui avaient des demandes de subventions exceptionnelles, nous répondrions dans la mesure des possibilités. Voilà ce qui a été dit. Est-ce que Monsieur le Président peut confirmer ? Vous étiez présent. Je ne suis que vice-président, voilà, mais je confirme. Effectivement, le monde de la culture est en difficulté et les lieux de culture à Bagnolet le sont également. Édouard. Oui, peut-être juste pour redire ça. Un, les lieux de culture. Deux, beaucoup de professionnels de la culture qui habitent notre ville et qui souffrent, c'est peu dire, en ce moment. Sur l'échangeur, Laurent, je crois que c'est pas tout à fait exact, parce que sans trahir de secret d'alcôve, avec Shaoki, on a vu Régis Hébette, il y a même peut-être deux mois de ça, déjà, pour parler avec lui. Le travail qui sera fait, de toute façon, au sein de la municipalité, il sera sous autorité du maire et de l'adjointe à la culture, c'est elle qui coordonne cela. Il faut renforcer l'aide à l'échangeur, il faut les soutenir, financièrement, c'est une prise de position, mais oui, il faut les soutenir financièrement et il faut aussi les soutenir dans leur collaboration avec la ville. On peut faire davantage et notamment pour l'implantation de l'échangeur dans le quartier, dans le tissu urbain, avec notamment les centres sociaux. Pour ceux qui ont vu un des spectacles de l'année dernière sur Malcolm X qui s'est tenu à l'échangeur, il y avait des jeunes qui habitaient pas loin et qui étaient remarquables dans leur interprétation et leur prise de parole sur les textes de Malcolm X. J'imagine, je sais, que Régis Hébette et les siens sont demandeurs de davantage, donc à nous de faire davantage aussi avec les élus, avec les services de la ville, sous l'autorité de l'élu compétente et du maire, mais oui, il va falloir qu'on fasse davantage. Madame Laurence. Merci de me donner la parole. Donc effectivement, ce week-end, on s'est rendu à plusieurs dans notre groupe au Théâtre de l'Échangeur pour échanger avec M. Hébette, pour vous prouver le sérieux de notre implication en tant qu'élu d'opposition. Et moi, j'aurais, par rapport aux explications qu'il nous a donné, les 17 000 euros, on comprend qu'effectivement, ça l'aide, c'est un engagement de la ville pour l'aider à payer le loyer de l'année, enfin des 6 mois, en fait, à partir de juin 2019. Donc, pour l'aider à payer le loyer sur l'année 2019. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on vote en décembre 2020 ce qui avait été engagé pour l'année 2019? Et la deuxième question, c'est qu'en est-il quant au vote d'une subvention pour l'aider à payer le loyer de la lutherie en 2020? Sachant qu'évidemment, on connaît l'endettement de la ville, mais qui se trouve ici que c'est pas une histoire de surcoût, c'est une histoire de transfert, puisque la ville aidait les lutheries auparavant et qu'aujourd'hui, cet argent est transféré à l'échangeur. Je répondrai après, allez-y. Allez-y, monsieur Violet. Juste un bref mot, au-delà effectivement des aspects précis et financiers qu'ont évoqué Laurent et Claire. La lettre de Régis Hébette, si je ne me trompe pas, appelle aussi à un projet culturel pour notre ville, si je cite bien ces mots, et évoque que ce projet fait aujourd'hui défaut. Alors, vous allez sans doute me dire que vous allez vous y employer, mais vous êtes aux affaires depuis quelques années. Et je pense qu'effectivement, il y a une vraie question. On a la chance dans cette ville, ils souffrent beaucoup en ce moment, et ils ne vivent tous pas chichement depuis longtemps. Mais on a la chance dans cette ville d'avoir beaucoup de structures associatives en matière culturelle. Effectivement, plusieurs théâtres, 2 très importants centres de formation qui développent, y compris pour l'un d'entre eux aujourd'hui, des activités d'artistes en résidence, les rencontres chorégraphiques dont on a déjà parlé ici. Je pense qu'il y a quand même, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais une vraie question de constitution d'un projet culturel sur cette ville et d'un projet culturel qui soit partagé et comporté avec tous ces acteurs de qualité et qui ont montré de longue date leur implication à Bagnolet. Écoutez, monsieur Lyonnais, je vais pas polémiquer. J'apprécie Régis Hébette et je le connais de longue date. Mais si vous voulez, voilà, il a un avis, pense qu'effectivement, il n'y a pas de projet culturel à Bagnolet. Il a le droit de le penser, je ne le pense pas. Figurez-vous qui pensait la même chose, Régis, en 1995, du temps de Bagnolet pluriel, sous Daniel Mongeau, et je pense qu'à l'époque, il y avait un projet culturel à Bagnolet, et il pensait la même chose au milieu des années 2000, sous Marc Everbeck et Monsieur Jamais. Voilà, Régis, c'est une forte personnalité, c'est quelqu'un de qualité, que j'apprécie, voilà. Et on peut avoir des désaccords, et on peut ne pas être d'accord avec Régis, comme on peut parfois ne pas être d'accord avec moi. Voilà. Donc, on essaye de trouver les voies et les moyens dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt des Bagnoletais. Voilà ce que je peux vous dire. Sur la question de Mme Laurence, je pense que vous, une nouvelle fois, vous n'avez pas compris la délibération. Les 17 000 euros, c'est de l'investissement pour financer les travaux qui ont été réalisés l'année dernière. Et les 8 000 euros, c'est effectivement, modestement, de contribuer au fonctionnement de la structure cette année. Yasmina, tu veux dire un mot ? Vas-y. Je voudrais juste appuyer sur le fait qu'il s'agit ici d'un rattrapage 2018-2019. Ce n'est donc pas une faveur, mais un dû ou une dette que la mairie se devait de rembourser à l'échangeur. Il me semble important de clarifier et d'insister sur ce cas pour que ça ne soit pas mal interprété, alors même que nous mettons en place des ateliers sur les critères d'attribution de subventions. Donc l'échangeur est d'ailleurs un partenaire important de notre ville, et en particulier dans les projets à venir pour la DJVSQ. Je parle sous le contrôle de mon collègue élu à la vie associative, à la vie sociale, pardon. De plus, nous savons pertinemment que cet argent est toujours utilisé en faveur de la culture et qu'il participe au rayonnement positif de la ville et de l'échangeur, tout en favorisant la culture et l'éducation populaire à destination de nos administrés. Est-ce que vous avez d'autres? Oui, bah, en fait, il y a une chose, en fait, c'est que vu que la lutherie urbaine a fermé, évidemment, il y a une économie sur le budget de la culture par la ville. Or, ma question, c'était, Qu'en est-il ? Parce que ces 17 000 euros correspondent, c'est ce que nous a expliqué Régis Hébert, oui, ils correspondent à, et puis ça a été confirmé par Yasmina à l'instant, ça correspond à un dû sur l'année 2018-2019. Qu'en est-il sur l'année 2020 ? C'était aussi ça, Madame, ma question. Madame Laurence, si vous voulez, je... Bon, comment dire les choses de manière diplomatique ? Je pense que vous vous évertuez soit à ne pas comprendre, soit à faire semblant de ne pas comprendre. Régis Hébert reprend le local des lutteries urbaines en liquidation judiciaire en 2019 pour éviter que le propriétaire conclue un bail avec on ne sait qui. On s'engage dans un partenariat, on s'engage à solliciter, c'est le sens du mail que Émilie Trigault a envoyé à l'époque aux différents partenaires institutionnels. Et Régis Hébert nous dit... J'ai des réunions, envoyez un mail pour essayer de débloquer les subventions. Les 35 000 euros des lutteries urbaines, ils ne se sont pas évaporés, Madame Laurence. Ils ont été redispatchés au niveau du budget de la vie associative en 2019. Le budget de la vie associative, d'une manière globale, le budget de la culture, d'une manière globale, il n'a pas diminué dans cette ville. On a maintenu l'aide aux associations. Et si vous voulez... La nature de la discussion que j'ai avec Régis Hébert, c'est que justement, il faut sortir de ce débat-là. De le département mettait 110 000 sur les lutteries urbaines, donc il y a une économie de 110 000, donc il faut qu'il mette 110 000 sur l'échangeur. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit maintenant, mais si on rentre dans cette discussion-là, on sait parfaitement que le département ne mettra pas 110 000 sur les lutteries, sur l'ex local des lutteries urbaines. Si on est dans une logique arithmétique de cette manière-là, on n'y arrivera pas. De la même manière que dire « vous avez économisé 35 000 euros sur les lutteries, il faut les mettre sur l'échangeur », non, on n'a pas, oui, on a économisé d'une manière théorique, mais si vous voulez, les 35 000 euros, ils sont allés sur d'autres associations. On n'a pas pris les 35 000 euros pour payer les salaires des gens de la direction de la culture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'espère bien, mais en même temps, lui, Madame, je n'ai pas fini, donc laissez-moi parler. Il est étranglé. Oui, d'autres sont étranglés. Oui, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Mais les 35 000 euros, ils ne se sont pas évaporés dans le budget de la ville. Ils sont allés sur d'autres associations. Et si vous allez voir le département, comme ça s'est passé avec Meriem Darkaoui il y a quelques mois, et vous laissez entendre que vous attendez à ce que les 110 000 euros du département aillent sur l'échangeur, vous vous fermez les portes. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Et c'est modestement, j'ai essayé d'expliquer à Stéphane Troussel, lorsque je l'ai rencontré cet été, lorsque je l'ai eu il y a encore quelques semaines, il faut à un moment donné trouver les voies et les moyens pour que le département, Laurent Jamais parlait à juste titre de la région met zéro sur le nouveau projet, la DRAC met zéro. Aujourd'hui, il n'y a que la ville qui finance. Donc il faut trouver les voies et les moyens pour que le département aille au financement de l'échangeur. Ils étaient prêts à s'y engager, mais c'était sur des sommes anecdotiques au regard de l'ampleur. Ils ont proposé à ce que l'échangeur candidate sur des appels à projets, mais on sait tous, effectivement, que les appels à projets, c'est par définition quelque chose qui n'est pas pérenne. Donc il faut trouver les voies et les moyens pour que le dialogue puisse se réinstaurer entre l'échangeur et le département, qui est un financeur important de la culture en Seine-Saint-Denis. Voilà. Et on s'y attelle, croyez-moi, monsieur Jamais. Oui, je pense qu'il faut qu'on trouve la voie d'une solution, parce que la situation peut être vite catastrophique pour l'échangeur. Je pense qu'on l'a tous dit. Moi, je reste persuadé qu'il y a eu un engagement de votre part qui a fait en sorte que Régis, qui a plutôt un bon projet sur ce sujet, voilà, ça a été dit tout à l'heure aussi, de mettre en synergie plein de réseaux associatifs, plein d'acteurs de la ville, avec tout un tas de pratiques extrêmement intéressantes. Et puis, lundi soir, nous étions en réunion de groupe, donc on n'a pas pu participer effectivement à l'échange sur la question de l'échangeur et de la porte de Bagnolet, en l'occurrence, je ne parlais pas plus du théâtre, mais effectivement, on voit aussi qu'on a un espace qui... y compris avec les nouvelles constructions, va être plus dur, plus difficile, qui a besoin de réaménager. Et en l'occurrence, l'échangeur se situe là, au cœur, effectivement, d'un quartier dans lequel il peut jouer un rôle très important. Donc voilà, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez évoqué sur la question du Conseil général, qui, à mon avis, ne s'engage pas suffisamment. Je suis d'accord sur, évidemment, puisque je l'ai dit, sur la région. Mais là, aujourd'hui, c'est le tapis qui se retire sur les pieds de Régis Hébette, de voilà, et ça me semble, voilà, je crois qu'on, c'est ce que je terminais par ça, c'est qu'on a besoin de reprendre la discussion avec lui pour sortir cette impasse. Mais monsieur Jamais, ce que je m'évertue à vous dire, c'est que la discussion n'a jamais cessé, puisque deux jours avant l'envoi de cette lettre, il était en réunion avec madame Georges et monsieur Le Padouin. Voilà, donc si vous voulez, il ne faut pas laisser entendre qu'il n'y aurait pas de dialogue. Le dialogue, il existe et il est constant. Il est constant. C'était deux jours avant, c'était ça, c'était le 3 décembre, si ma mémoire est bonne, cette rencontre. Donc voilà, il y a peut-être que Régis Hébette a cru que, voilà, mais en tous les cas, le dialogue, il existe et il va se poursuivre. Voilà, comptez-y. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délibération suivante, approbation de la convention entre la ville de Bagnolet et l'association des musulmans de Bagnolet pour 2021. Yasmina. Alors, il s'agit simplement d'une note technique pour renouveler la convention entre la ville de Bagnolet et l'association AMB. Mais je souhaite quand même apporter une attention particulière à l'association des musulmans de Bagnolet ce soir. La municipalité renouvelle son soutien aux associations et à cette association qui apporte énormément à un nombre de Bagnoletais. Donc c'est l'occasion de dire que nous lui renouvelons notre confiance, comme l'ont fait les majorités municipales successives qui nous ont précédés, ainsi que les Bagnoletais depuis plus de 20 ans. Donc plusieurs générations de Bagnoletais ont pu bénéficier de leur activité linguistique ou de leur action ponctuelle. Et la laïcité a toujours été un socle commun en France, et Bagnolet ne fait pas d'exception. Donc l'AMB a toujours été irréprochable. Il est important, dans notre contexte, que nous témoignons tous notre solidarité avec cette association, mais également en direction de nos concitoyens musulmans qui vivent une période difficile. Donc toutes les occasions sont bonnes pour réaffirmer le principe de notre démocratie et les rejets des amalgames et des dérives que nous connaissons aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci Yasmina. Des remarques? Pas de remarques, je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante. Je propose de faire un tir groupé dans la présentation 17-18. Il s'agit des plans de sauvegarde bâtiment 5 de la NOU et du portage ciblé des bâtiments 4 et 5. Edouard. Oui, donc on va faire conjoint ces deux avenants, l'un à la convention du plan de sauvegarde de la CoPro bâtiment 5 à la NOU, et l'autre, c'est un avenant à la convention relative au portage ciblé de redressement des bâtiments 4 et 5. Concernant le plan de sauvegarde, il y avait une convention de 5 ans qui a été signée en 2019 pour les bâtiments 3, 4 et 5, des plans de sauvegarde adaptés à chaque bâtiment, et la convention, l'avenant à la convention vise pour le bâtiment 5 à permettre d'achever le chantier et de stabiliser la situation financière et la gestion. Parce que l'achèvement des travaux a été reporté, notamment il y a eu des travaux lourds d'amiante, ils ont eu lieu au deuxième semestre 2020, tout prendra fin en 2021, et ce qu'on demande aujourd'hui par cet avenant, c'est qu'on identifie des besoins supplémentaires de suivi technique et de suivi financier, qui sont liés donc du coup au report de l'achèvement de ces travaux. Cet avenant, il propose d'augmenter le suivi animation. Donc, en gros, c'est 37 000 euros de plus pour ces 5 années qui vont s'ajouter. C'est une convention signée entre la ville, l'ANA et la CDC. Et d'augmenter, pour voir dans ce plan de sauvegarde, les subventions de l'ANA et de la CDC. Pour ce qui concerne la convention par avenant pour les bâtiments 4 et 5 à la convention du plan de sauvegarde. Là, il s'agit de permettre de prolonger le temps pendant lequel on pourra faire de l'acquisition publique d'appartements dans ces bâtiments 4 et 5 et de repousser de 2 ans cette période d'acquisition pour la porter jusqu'à la fin de l'année 2022. C'est des acquisitions qui permettent de recouvrer des fonds et de redresser la situation financière de ces deux bâtiments. Voilà, donc ce sont des conventions a priori techniques qui ne font pas l'objet de débat, sauf s'il y a débat. Merci Edouard. Oui, moi j'avais quelques éléments, mais qui étaient encore plus tir groupé que ce que vous avez proposé, parce que comme il y a une série de délibérations qui touchent effectivement les plans de sauvegarde, la convention publique d'aménagement, mais que tout ça est naturellement imbriqué, j'avais plutôt un propos qui portait sur l'ensemble. Bon, je pense qu'on sait tous que l'ANOU est un sujet très complexe, hein, que Bagnolet a hérité d'une copropriété ingérable, parce que le projet avait été conçu pas du tout comme ça, parce qu'il était conçu d'une manière unitaire, puisque, si mes souvenirs sont bons, au départ, c'était une seule et même structure foncière qui possédait l'ensemble des logements, que l'ensemble du socle devait être une seule et même activité, les nouvelles messageries de la place parisienne, si je ne m'abuse, qui devait d'ailleurs occuper un immeuble de bureau qui est resté vide et qui a été d'ailleurs démoli, enfin bon, voilà. Donc, et tout ça a produit à la fin une situation assez ingérable d'une énorme copropriété. Du coup, parce que quand on parle des sujets en rue, vous renvoyez souvent à l'héritage, il y a quand même des choses qui ont été posées de longue date, puisque si je ne m'abuse, les plans de sauvegarde datent de 2006, hein. Justement, le début de la solution, qui était une scission de copropriété en volume, qui a été une première en France, me semble-t-il, la scission de copropriété est intervenue en 2009. Ensuite, il y a eu le financement en rue et la réhabilitation du premier bâtiment, qui était le bâtiment de grande hauteur, donc le plus compliqué, est intervenu en 2012. Donc voilà, ce processus se poursuit. Moi, je constate tout de même qu'il ne s'est pas vraiment accéléré ou même maintenu dans les dernières années, puisqu'effectivement, en termes de réhabilitation, il n'y a qu'une autre réhabilitation qui a été menée à bien. Les aménagements publics qui ont été pourtant très restreints dans ce qu'on verra après, les avenants aux concessions, bon, n'ont commencé qu'en fait que sur la partie sud de la dalle et sur Toffoletti, qui était d'ailleurs prévu au départ. Hein, il y a eu des changements de maîtrise d'œuvre, etc., après votre élection, mais qui était prévu de longue date. Donc voilà, on peut constater que c'est un projet qui s'éternise énormément sur une concession publique d'aménagement, et je n'en sous-estime pas, comme je l'ai dit au début, la complexité, hein, mais sur une concession publique d'aménagement qui a près de 20 ans, hein, parce qu'elle doit dater de 2002 ou 2003, si je ne m'abuse, et sur un coût, en plus, puisque la compétence, c'est ce qu'on verra après, on a été transféré à Est Ensemble, mais pas le coût financier, puisque souvent, dans ces transferts, c'est la nouvelle autorité concédante, donc en l'occurrence Est Ensemble, qui prend en charge du coup la participation, ce qui n'est pas le cas ici, ce qui n'est même pas partagé, puisque je crois que, par exemple, sur la ZAC où nous sommes, après le transfert, il y a eu un partage moitié-moitié du déficit. Là, si je ne m'abuse, c'est requalifié en subvention, mais c'est la ville qui assure la totalité du déficit d'opération de l'ANOU. Et au-delà de ces constats rétrospectifs, surtout, moi, ce qui me semble important, même si les délibérations sont nombreuses et épaisses, je vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Surtout, ce qui me semble poser question, c'est « et demain ?» parce qu'il ne s'est pas passé énormément de choses ces dernières années. « Que va-t-il se passer demain ?» puisqu'on vous a d'ailleurs posé, notamment avec Laurent, une question à ce sujet. On sait que Montreuil, qui était moins avancé à une époque sur les réflexions de l'ANOU, on sait que Montreuil a déposé son dossier de rénovation urbaine, qu'on a cru comprendre que l'idée était au départ que ça soit un dossier commun, Montreuil-Bagnolet, que finalement Montreuil se retrouve à le déposer seul, et on comprend bien pourquoi, parce que quiconque a manipulé un peu les mécaniques en russe, qu'au début d'un nouveau programme, les premiers servis sont toujours les mieux servis. Donc ma remarque et question finale étaient plutôt là-dessus. Comment se fait-il que, pour donner la nouvelle impulsion qu'on peut imaginer sur l'ANOU à travers le projet de rénovation urbaine numéro 2, on n'ait pas pu avoir un dossier porté en commun et en même temps par Montreuil et Bagnolet. Attends, je vais vous répondre d'abord. Si vous pensez qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé à Lannou ces dernières années, je pense que vous n'allez pas souvent à Lannou. Parce que si vous voulez, concrètement, le nouveau centre de quartier avec l'équipement petite enfance, la réalisation de la moitié d'équipement, de la réfection de la dalle, la moitié de la dalle, tout ça, c'est nous qui l'avons débloqué. Certes, tardivement, je rappelle que nous avons conventionné avec la Caisse des dépôts et consignations en septembre 2017 à hauteur de 22 millions d'euros pour financer le programme de renouvellement urbain, que jusque-là, la Caisse des dépôts ne voulait pas financer compte tenu de la situation financière de la ville. Et je vous renverrai, si vous me le permettez, à votre précédente intervention au cours du précédent conseil municipal, où vous nous avez vous-même expliqué que tout le monde savait dans le microcosme bagnoletais que mon prédécesseur ne voulait pas du programme de renouvellement urbain. C'est vous-même qui l'avez dit, monsieur Vionnet, au cours du précédent conseil municipal. Donc, au moins, vous me saurez gré d'avoir débloqué le programme de renouvellement urbain sur les Malassis et sur l'Anou. Vous dites que certains bâtiments n'ont pas été rénovés. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de bâtiments, 2, 3, si ma mémoire est bonne, qui ont refusé de voter les travaux. Ils ont refusé de s'engager. S'il y a du retard sur le bâtiment 5, Edouard le disait, c'est parce qu'il y a tout simplement un an et demi, en plein milieu des travaux, il y a de l'amiante qui a été découvert. Il a fallu désamianter, trouver les financements auprès des organismes de l'État, ce qui nous amène à proroger cette convention. Sur le projet Bagnolet-Montreuil, Olivier aura l'occasion de développer et répondre par la même occasion à la question que vous avez soulevée. C'est effectivement un projet commun. Est-ce ensemble m'a demandé, nous a demandé, en juin 2019, d'accélérer la concertation pour pouvoir passer en comité d'engagement avant la fin de l'année 2019. Nous avons bouclé la concertation sur la dalle Thorez, un certain nombre d'entre vous étaient présents, sur l'Anou, d'autres étaient présents. Notre dossier était prêt. Et j'ai appris, au hasard de conversation avec les techniciens d'Est Ensemble, au cours de l'été 2019, que Montreuil ne présenterait pas, pour des raisons qui lui appartiennent, je ne suis pas là pour juger ce que fait mon voisin, Montreuil ne souhaitait pas présenter son dossier en comité d'engagement avant les élections municipales. Et lorsque l'on regarde le contenu de l'article du Parisien il y a quelques jours, voilà, c'est un beau projet, mais on peut aussi comprendre que ce n'était pas utile que ça passe avant les élections, mais chacun fait ce qu'il veut dans sa ville. En tout état de cause, nous, on a travaillé avec l'État, on a eu une réunion technique avec l'ensemble des partenaires, avec Est Ensemble, il y a maintenant un an, où il nous a été demandé de retravailler, non pas le volet Lannou, qui ne pose pas de problème. Le volet Lannou ne pose pas de problème au service de l'État. Et Olivier vous en dira un mot. Ce qui pose problème au service de l'État, à l'ANRU, que vous avez vous-même qualifié de technocrate, de technocratique lors du dernier conseil municipal. Ce qui pose problème à l'ANRU, c'est qu'on ne démolit pas sur les Malassis. Voilà. On réhabilite les logements, on réhabilite des équipements publics, on reconstruit la piscine, l'ANRU, la drille disent « vous démolissez pas ». Donc, il faut trouver là aussi les voies et les moyens pour présenter un projet alternatif, toujours en concertation avec les habitants des Malassis, qui sont les premiers concernés, que l'on soumettra à l'ANRU au cours du premier semestre, avec un volet particulier sur l'ANOU. Olivier va vous en dire deux mots. Du coup, c'est parfait, ça fait le lien avec les quatre délibérations suivantes. Je propose qu'on regroupe le tout. Que je présenterai du coup d'un bloc, et j'en profiterai donc pour répondre de la même manière à la question orale que vous avez posée sur le sujet, ce qui permettra également d'optimiser les choses. Effectivement, pour finir sur ce sujet, celui qu'évoquait M. le maire, nous étions prêts il y a un an. Nous avons déposé auprès de l'ANRU un premier dossier qui a été examiné en copile en septembre 2019, sur lequel nous avons eu un certain nombre de retours technique, administratif, qui nous a permis de déposer notre dossier décembre 2019. Et donc le maire de Montreuil, désormais également président d'Est Ensemble, a souhaité, et c'est évidemment son choix souverain, dans le périmètre de sa ville, reporter ça après les élections municipales. Aujourd'hui, il a décidé de réaccélérer et d'être sur un calendrier qu'un dépôt de son projet sur la partie donc l'Anouclo français au premier trimestre en mars 2021, passage en comité d'engagement de l'ANRU en mars 2021. Nous avons prévu, de la même manière, de déposer notre projet pour la partie l'Anou, qui est conjointe avec Montreuil, pour un comité d'engagement en mars 2021, considérant que, suite à la concertation et à l'examen par le comité de pilotage et l'ANRU, il n'y a pas eu de retour technique problématique sur le contenu du projet. Donc on peut avancer au stade du comité d'engagement en mars 2021. Donc la déclaration qui était faite dans votre question orale et qui considérait que Bagnolet était en retard par rapport à Montreuil est fausse, puisque c'est Bagnolet qui était en avance et Montreuil qui a souhaité décaler d'une année, ce qui était là encore leur choix et on ne le juge pas, simplement on s'est remis sur le même timing et on va bien déposer ensemble un projet en vue du comité d'engagement de l'ANRU de mars 2021. S'agissant de la partie des Malassis, comme le maire l'a dit, il y a quelques nécessités de retourner vers la population pour affiner deux ou trois points du projet pour répondre aux demandes de l'ANRU. Donc on le fera dès que l'on peut, au tout début de l'année 2021, avec l'objectif de passer en comité de l'engagement dans l'ANRU en juin 2021. Donc on est tout à fait dans un calendrier normal. Sur donc les délibérations elles-mêmes. On a une délibération qui correspond au CRAC, donc c'est le compte rendu annuel de la collectivité, qui permet de retracer les opérations réalisées dans le cadre de la convention, les flux financiers, qui est une obligation donc, de présentation pour l'exercice précédent. Donc, évidemment, le calendrier nous oblige à présenter ça sur 2019 à la fin de l'année 2020, donc il y a un décalage temporel. Ce qui est important de retenir, c'est que en 2019, comme en 2020, puisqu'on le cite à la fin de la note de présentation de la délibération, on a continué d'exécuter les opérations qui a permis de passer donc, de 19 millions d'euros restant à payer à Sequano Aménagement à aujourd'hui à peu près 9 millions d'euros qui resteront à exécuter sur 2021, qui correspondent pour 7,5 millions à la subvention d'équilibre pour clôturer l'opération CPA à nous. Et pour un tout petit peu moins de 2 millions d'euros, ce qu'on appelle les biens de reprise, c'est-à-dire les biens que la Sequano a été amenée à acquérir pour pouvoir assurer une forme de remembrement foncier du site pour la bonne réalisation des travaux et que la ville sera amenée à racheter en tout ou partie ou à proposer à la Sequano de vendre lorsque ce sont par exemple des biens comme des places de parking dont la ville n'a pas l'usage naturellement, donc elle a plutôt vocation à proposer par exemple aux copropriétés ou aux entreprises qui sont implantées sur le site de l'ANU. Donc ces opérations-là ne pouvaient se clôturer courant 2021. Les opérations de travaux elles-mêmes sont finalisées. La livraison des équipements et la livraison de la dalle sont en cours ces dernières semaines. Mais la clôture technique de l'opération ne pourra pas intervenir avant 2021 parce que nous avons besoin évidemment de lever l'ensemble des réserves qui demeurent sur les projets eux-mêmes, après réception des travaux. Il y a besoin ensuite de passer un certain nombre d'opérations et de flux financiers administratifs entre l'État, l'ANRU, l'ADRIL, Est Ensemble et la ville. Donc ça nécessite encore quelques mois de travaux, essentiellement sur le plan administratif. C'est la raison pour laquelle, dans les trois délibérations suivantes, on est amené à proroger d'un an la Convention publique d'aménagement de l'ANOU, jusqu'au 31 décembre 2021. De la même manière, puisque nous sommes désormais dans une compétence déléguée d'aménagement Est Ensemble, on doit passer une autre délibération, évidemment, pour acter cette conséquence sur la convention qui nous lie à Est Ensemble pour le transfert de l'opération. Et enfin, une troisième délibération qui tire les mêmes conséquences pour les flux financiers et les subventions pour les trois opérateurs du projet, donc Sequano Aménagement, Est Ensemble et la ville de Bagnolet. Merci. Des remarques, des questions, Monsieur Bionnet. Juste une question pour être sûr de bien comprendre, parce que j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit. Je n'ai pas connaissance des discussions, évidemment, qui peuvent avoir entre les deux villes et Est Ensemble. Mais ce que je voudrais bien comprendre, c'est que factuellement, aujourd'hui, si j'ai compris, il y a un dossier de Montreuil-Lanoux qui est déposé. Il y a, parce que du coup, vous connaissez ça aussi bien que moi, il y a un certain formalisme dans la mécanique en rue. Est-ce qu'il y a un dossier bagnolet qui est déposé ? Qui est en cours de travail, y compris ces jours-ci, donc forcément, vous ne pouvez pas être informé, on vous en tient par rigueur. Et l'idée, c'est de raccrocher par convention le quartier de Lannou-Bagnolet à Lannou-Montreuil. Et Est Ensemble semble en être d'accord, donc c'est ce sur quoi on travaille. D'autres remarques ? Donc je propose de passer aux voix. Délibération 17, avenant à la convention du plan de sauvegarde du bâtiment 5 de Lannou, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Délibération 18, avenant à la convention relative au portage ciblé de redressement des copropriétés des bâtiments 4 et 5 de Lannou, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Délibération 19, CPA Lannou, avis relatif au crack 2019, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Délibération 20, convention publique d'aménagement, approbation de l'avenant numéro 8, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Délibération 21, CPA Lannou, avenant numéro 1, la convention de transfert de l'opération d'aménagement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Délibération 22, CPA Lannou, approbation de l'avenant numéro 1, à la convention tripartite de versement de subventions, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Délibération 23, demande de dérogation des commerces au repos dominical. John G. Merci, monsieur le maire. Je voudrais préciser que donc, pour l'élaboration de cette dérogation, l'avis de Métropole de Grand Paris a été demandé. Des courriers de consultation ont été envoyés aux syndicats et partenaires sociaux, autres partenaires sociaux. Et en 2020, la ville de Bagnolet, elle a donné donc une dérogation de repos dominical de 9, en nombre de 9. Alors, donc il s'agit de une demande de dérogation pour l'année 2021, qui a été déposée par Auchan, l'hypermarché Auchan et le centre commercial Ballest. Donc, il est demandé, vous avez la liste des 9 dates qui sont demandées. Et pour préciser aussi que cette année, donc nous avons eu aussi évidemment la Super Picard qui a demandé aussi. De même, alors que les années avant, évidemment, c'était toujours Auchan qui demandait, en fait, cette dérogation. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis sur la dérogation au repos dominical subventionné. Merci, Jean-Di. Monsieur Gilles. Oui, c'est un peu un marronnier, ça revient fin d'année, mais... Comme tous les ans, effectivement, vous proposez cette délibération et comme tous les ans, nous exprimons et nous disons que nous y sommes défavorables. Mais je crois qu'il y a quand même des choses... D'abord, ce n'est pas inutile parce que je crois que c'est en 2015. Les possibilités qu'ouvrait la loi Macron montaient à 12. Vous aviez, lors du conseil municipal, proposé 12. On avait évidemment protesté, trouvant que vous preniez toutes les largeurs que Macron... permettait. Je crois que l'intervention syndicale, notre intervention, et puis je crois que le bon sens l'a emporté et que maintenant on est revenu à 9. Voilà. Mais moi, je voulais dire un peu aussi pourquoi, fondamentalement, nous sommes contre cette ouverture dominicale, permanente. Déjà, il y a une ouverture maintenant tous les dimanches matins. La permission d'ouvrir plusieurs fois dans l'année, et que ça, évidemment, ça joue, ça porte un coup au petit commerce, au commerce de proximité, ça, on a beaucoup parlé ces derniers temps, et je crois que c'est un fait avéré. Mais c'est aussi, pour un certain nombre de commerçants du centre, avec lesquels on peut être amené à discuter, des possibilités d'ouverture qui ne sont pas forcément utiles. C'est vrai que les opticiens, par exemple... Bon, ça ne leur fait pas vendre plus de lunettes, le fait d'avoir des ouvertures permanentes. Et on voit qu'il y a une pression assez forte qui leur est faite pour ouvrir. Donc, évidemment, ça a des conséquences sur les salariés, ceux du supermarché comme ceux du centre. Et je crois que les bas salaires qui sont pratiqués poussent à, justement à toujours plus de précarité. Et elles sont à peine compensées par les effets d'aubaine, comme les primes qui, en dernière analyse, je crois, tirent vers le bas le statut des salariés. Mais je crois que ça prend cette année un nouveau tour avec un certain nombre d'annonces, notamment du groupe Auchan, quand même, qui vient d'annoncer 1475 licenciements en France. Et pourtant, c'est un groupe qui a réalisé 1,47 milliard d'euros de bénéfices, premier semestre 2020, 79% d'augmentation de profit pendant le premier confinement, et beaucoup d'argent public pour créer de l'emploi, et au final, ils n'en ont pas beaucoup créé. Donc on voit Auchan, c'est le groupe, on applaudit les salariés pendant le confinement, et juste à l'après, ils sont jetés comme des malpropres. Et je pense qu'il est quand même assez temps de faire des cadeaux permanents à ces grands groupes, et puis, évidemment, continuer à engraisser la bête sans contrôle, c'est-à-dire faire des cadeaux permanents sans qu'on se penche sur, pour savoir si oui ou non ça crée de l'emploi. Bon, on a eu une réponse permanente aussi sur nos interventions en nous disant que les syndicats étaient consultés. D'ailleurs, ce qui n'a pas manqué d'être dit ce soir. Le problème, c'est que Auchan, c'est aussi de la répression syndicale forte, quoi. Et on est... il y avait un rendez-vous, mes souvenirs me fuient un peu, mais il y a une dizaine de jours, puis il y a quelques mois, autour d'une déléguée syndicale CGT qui subit plusieurs attaques lourdes dans l'entreprise. Voilà, donc je pense que ça, il faut se dire aussi que bah, les gens qui se battent et qui sont un peu plus revendicatifs aujourd'hui dans le groupe Auchan, ils sont pas, eux, ils ne sont pas à la noce. Alors, il y a un autre argument sur lequel on avait beaucoup discuté l'année dernière. C'est pas mal d'en discuter parce que ça rejoint aussi par un autre bout le débat qu'on avait tout à l'heure sur la porte de Bagnolet, l'échangeur, le centre commercial. Ça rejoint évidemment sur ce qui nous a été dit l'année dernière sur les difficultés d'Auchan. Bon, voilà, on voit bien que c'est très relatif quand on voit les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure sur la manière dont, par la fermeture d'un certain nombre de commerces, les gens se sont réfugiés dans ce centre commercial. Mais je crois que ça nous impose, je crois, une réflexion sociale, d'urbanisme général, et puis une question de fond, c'est que, évidemment, il faut qu'on consomme mieux, il faut qu'on consomme moins pour un certain nombre d'entre nous. C'est toujours pareil, la décroissance ça vaut pour beaucoup, mais il y a des gens qui aspirent évidemment à manger mieux et à vivre mieux dans ce pays, donc il y a des choses qui doivent croître et d'autres qui doivent décroître dans ce pays. Mais je crois aussi et c'est là-dessus que je voulais absolument attirer votre attention, ça ne se fera pas non plus sans respecter les salariés. Frédéric. Merci monsieur le maire. Donc il s'agit de déroger au droit du travail pour soutenir les commerces et la vie économique. C'est de ça dont il s'agit. On émettra un avis favorable, parce que je ne vous cache pas que ça a donné lieu à pas mal de discussions. On préférerait qu'on nous demande un avis de dérogation au repos dominical pour des équipements culturels, sportifs. On préférerait effectivement qu'on réouvre les piscines, les théâtres et le cinoche et que les gens puissent passer leur dimanche à autre chose qu'à faire les courses. Mais si on considère que les premiers concernés, les employés, ont été consultés, en tout cas les syndicats ont été consultés, que cela semble une nécessité économique, alors certes, au niveau du groupe, ce n'est pas la vertu qui nécessairement les étouffe, mais... Ce qu'on nous dit, c'est que localement, c'est important pour l'équilibre économique du centre commercial et de l'hypermarché, et que somme toute, cet équipement rend des services importants à la population. Et il ne s'agit pas de soutenir un commerce contre un autre. Si un commerce a des besoins particuliers, on peut y accéder sous certaines conditions. Voilà. Donc ça nous semble important de soutenir tous les commerces dans leur ensemble, et je pense que la délibération le note. S'il se trouve que d'autres commerçants font la même demande, elles auront les mêmes dérogations au repos dominical. Et donc ça nous semble raisonnablement OK, je dirais. Merci. Madame Le Bourri. Oui, enfin, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment leur rendre service. Enfin, je crois qu'on ne comprend pas trop la question. Moi, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, j'ai posé la question directement aux concernés l'année dernière. Je recommence cette année. J'en avais déjà parlé l'année dernière. Quand je leur pose la question, mais vous êtes d'accord, vous, pour travailler le dimanche? D'ailleurs, je vous poserai la question à vous. Vous êtes d'accord pour travailler le dimanche? Moi, personnellement, non, je ne suis pas d'accord. Les employés en question, merci de me laisser terminer. Les employés en question m'ont tout bonnement dit non, mais on n'a pas le choix. Pire, pour les employés du centre commercial, ils me répondent que si ils ferment leur enseigne, ils auront une lourde amende. Et c'est ça aussi qu'il faut peut-être rappeler. Et en ce qui concerne c'est ouvrir au champ le dimanche, c'est ne pas remettre en question un certain comportement vis-à-vis de la consommation. Je pense qu'il s'est ouvert 6 jours et que tout le monde, que les employés qui travaillent le dimanche aspirent aussi à se reposer ce jour-là, en plus des autres jours. Je suis pas sûre que ça. Enfin, là, on rend plus service en fait aux grands groupes, aux grands actionnaires qu'aux employés. Merci. Merci. Je partage l'enthousiasme sur cette délibération de Frédéric. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. L'ordre du jour est épuisé. Nous avons des vœux et des questions. Donc, je vous fais rire, monsieur Vionnet. Ah, ça, c'est dans le nouveau. Alors, nous avons un vœu des différents groupes de la majorité concernant l'hébergement des plus précaires. Brigitte. Alors, j'imagine que tout le monde l'a lu et je vais faire sauter des considérants parce que je ne supporte plus les considérants. Donc je garde le premier et je ne dis pas les autres. C'est bon ? Considérant que la crise sanitaire et économique que nous vivons touche l'ensemble de la population, mais singulièrement les plus précaires, au premier rang desquels les personnes vivant dehors ou se trouvant en situation d'hébergement précaire, que l'hébergement et l'accompagnement des personnes sans abri ou vivant dans des habitats précaires est une compétence exclusive de l'État qui a l'obligation de mettre en œuvre le droit à l'hébergement sur l'ensemble du territoire au titre de la solidarité nationale. Le manque de moyens mis en œuvre par l'État pour l'hébergement, mais également pour l'accès à des équipements sanitaires pour ces populations, que les demandeurs d'asile et travailleurs sans papiers sont nombreux en Seine-Saint-Denis à faire partie de ces populations les plus vulnérables et les moins considérées, considérant que ces populations sont aujourd'hui repoussées de la capitale par des mesures de police les ciblant directement, comme ce fut le cas le 24 novembre dernier sur la place de la République, et enfin que Bagnolet s'est toujours illustré comme étant une ville portant haut les valeurs de progrès humain, de solidarité à l'égard de toutes et singulièrement des plus vulnérables, ainsi que de protection des populations migrantes. Le conseil municipal de Bagnolet exprime sa solidarité envers l'ensemble des personnes sans toit ou mal logées, et singulièrement les personnes migrantes ou sans papiers, qui sont aujourd'hui les plus invisibilisées et les plus précaires. Demande des créations de places d'hébergement réparties à l'échelle de la métropole du Grand Paris, afin de lutter contre l'habitat précaire. Demande un effort des pouvoirs publics à destination des associations et des collectivités locales pour favoriser l'accès aux soins et à l'aide alimentaire. Réaffirme sa volonté, avec ses moyens, d'œuvrer sur le territoire de Bagnolet pour l'hébergement des plus précaires ainsi que leur accès aux soins. Soutient les associations bagnoletaises engagé pour l'aide aux personnes mal logées, sans toit, les plus précarisées, ainsi que celles soutenant dans leurs droits les populations migrantes et sans papiers. Merci Brigitte. Monsieur Jarret. On va voter ce vœu sans aucun problème. Simplement pour faire référence à un autre appel qui est en circulation actuellement, qui est à l'origine de Florent Guéguin, qui est conseiller municipal de Montreuil et qui est conseiller délégué à Est Ensemble, mais qui est aussi le président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Je sais d'ailleurs que M. Vassindou Cissé a signé également cet appel. On est plusieurs membres de notre groupe à Est Ensemble à l'avoir signé. Et je crois que c'est une bonne chose que, outre évidemment ce vœu que je vais voter, peut-être c'est un appel à chacun d'entre vous de signer également cet appel qui a une vocation d'un appel de plusieurs acteurs, d'élus sur les différentes villes du territoire. Voilà. Très bien. On va le faire. Daouda, il me semble qu'on l'avait fait. Mais bon, on va vérifier. D'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour l'approbation de ce vœu ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Nous avons un second vœu présenté par les différents groupes de la majorité concernant la solidarité avec les habitants de la vallée de la Roya. Jean-Claude. Oui. Vous savez qu'au début du mois d'octobre, s'est produit un événement catastrophique à la fois pour l'environnement et puis pour les habitants des vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie, donc avec un bilan humain lourd et des dégâts matériels très importants. Il est clair que cet événement a à voir avec le changement climatique en termes, des épisodes orageux violents sont coutumiers au bord de la Méditerranée, là on est dans autre chose, à la fois par l'intensité et aussi par la fréquence nouvelle de ce genre d'événements. Donc on est clairement dans les modifications liées au changement climatique. Il y a une deuxième particularité dans la vallée de la Roya, c'est que cette vallée est à la frontière de la France et de l'Italie. Et c'est là que depuis plusieurs années, il y a un durcissement, de l'attitude de la France pour empêcher justement, là on parlait le précédent vœu parlait des migrants, donc pour empêcher les migrants de passer en France, voire pour les reconduire de l'autre côté de la frontière avec une quasi-militarisation. Tout le monde a sans doute entendu parler de Cédric Héroux, cet agriculteur qui a été poursuivi pour avoir accueilli et aidé des migrants. Il a eu pendant des mois et des années un poste de gendarmerie installé en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par an, sur la nationale, à la limite de sa propriété. Donc voilà, des moyens d'État très, très importants déployés là pour refouler les migrants. Et donc, à partir de là, il y a une association qui s'appelle la Roya Citoyenne, qui était au départ une association plutôt de soutien, de développement touristique et économique de la vallée, qui est devenue une association de solidarité, et donc qui organise avec les migrants, donc qui organise un festival depuis plusieurs années, qui est le festival des passeurs d'humanité. Encore une fois, ça nous parle, parce que vous savez que notre ville, et ça rejoint aussi le propos précédent, est une ville, fait partie du réseau des villes accueillantes. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une action de cette association qui est dans le sens de la reconstruction solidaire et écologique de la vallée. Alors, une de leurs premières actions, par exemple, ça a été d'acheter des vélos électriques pour toutes les infirmières de la vallée, pour qu'elles puissent... Donc, il n'y a plus de route, le train est aussi... fonctionne très mal, pour qu'elles puissent malgré tout rejoindre leurs patients qui sont parfois isolés et leur rendre visite. Et aussi dire encore qu'il y a un sentiment d'abandon fort dans cette vallée, je dirais un peu différent, et donc même s'il ne faut pas bien sûr opposer les gens en difficulté, un peu différent par rapport aux vallées de la Tinée et de la Vésubie, parce que la Tinée et la Vésubie, ça fait partie de la métropole de Nice, qui a fait un effort important, qui consacre 1 milliard d'euros pour la reconstruction de la Tinée et de la Vésubie, mais il n'y a pas de moyens qui sont de cet ordre qui sont donnés à la vallée de la Roya. Voilà, donc ce vœu, c'est fait pour manifester, pour exprimer notre solidarité face et notre mobilisation, à la fois face au changement climatique, mais aussi dans l'idée de cette reconstruction écologique et solidaire qui fait vraiment écho à notre ADN aussi. Merci Jean-Claude. Monsieur Jamais. Ce sera très court. Hein. D'abord, je me doutais que c'était Jean-Claude qui allait présenter ce vœu, parce qu'il est originaire de la région, donc c'était une bonne raison déjà de le faire. Non, je le félicite de l'avoir fait. Non, juste, c'est par rapport aussi aux vœux qu'on avait votés sur le Liban. Moi, j'ai aucun problème à voter des vœux qui sont des engagements moraux et de soutien et politique. Hein, ça fait partie de l'ADN d'un conseil municipal, mais c'est vrai aussi que c'est bien d'assortir d'une mesure aussi symbolique soit-elle. On m'avait répondu sur le Liban qu'il y aurait l'occasion de le faire et ça n'a pas été le cas. Quoi. Effectivement, c'est passé à l'as, on va l'inscrire les deux au budget 2021. Ouais, simplement pour rebondir sur ce que disait Laurent, évidemment on va le voter, mais on va faire un petit rappel au règlement qu'on a décortiqué et qui mentionne. Pardon ? Je ne sais plus, le nouveau, temporel, qui spécifie bien sur le vœu unique que nous pourrons donc déposer. Il ne va pas falloir se planter sur le thème sur lequel on a envie de s'engager, que ça a quand même trait aux affaires locales. Bon, on n'est pas tout à fait dans les affaires locales, mais on votera évidemment quand même. Oui. Alors, vous avez un vœu. Oui, sûr. Donc, le vœu relatif au référendum sur les animaux, je pense que tout le monde l'a lu, donc je ne vais pas paraphraser à cette heure tardive ce qui est écrit. Juste parce qu'on l'a, par souci de brièveté, on ne l'a pas remis dans le texte, qui est fait effectivement cette proposition émanant de toute une série d'associations et d'un certain nombre de parlementaires ne traite pas tout le champ et on pourrait débattre. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Ce qu'elle a peut-être d'assez intéressante, c'est qu'elle essayait de constituer au moins un socle minimum avec des mesures qui peuvent être consensuelles entre les différents groupes politiques, hein, comme l'interdiction de l'élevage en cage, l'interdiction de l'élevage intensif, l'interdiction des élevages à fourrure, des spectacles d'animaux, des chasses à cour, d'étairage et compagnie, et la fin de l'expérimentation animale. Donc voilà, ce vœu visait modestement. Il y a déjà effectivement un certain nombre de choses qui circulent sur les réseaux sociaux locaux à avoir un encouragement du conseil municipal à signer cette pétition en ligne, puisque, comme vous le savez, il y a une double mécanique, le nombre d'habitants qui doivent l'avoir signée, et on en est encore loin, et le nombre de parlementaires, on en est moins loin, parce que je crois qu'il en faut 180, et il y en a 145 aujourd'hui, donc il en manque quand même un peu. Sachant qu'à Bagnolet, le député de Bagnolet l'a effectivement signé avec l'ensemble de son groupe. Et puis il y avait un deuxième élément de portée plus locale, c'était le souhait qu'un élu soit... Alors, vous allez peut-être me dire que dans les délégations, c'est sous-entendu, mais qu'un élu soit explicitement délégué à cette question de la condition animale. Voilà le sens de ce vœu. Non, pour l'instant, il n'y a personne... un élu qui porte cette délégation, mais on va le faire et on va se concerter au sein de la majorité pour désigner un ou une élue pour porter cette délégation à la condition animale. On va rajouter une ligne aux 15 lignes de la délégation d'Edouard Denouel, ça pourrait être pas mal. Je voulais faire un rappel au règlement, mais je crois que je vais pas avoir le droit. On va peut-être déléguer. Olivier. En tout cas, moi, je ne suis pas candidat. J'ai déjà de quoi faire. Mais Pour ce qui est de mon groupe, très rapidement, la sensibilité au sujet est variable comme elle l'est dans la société française, évidemment. Elle peut aussi en fonction des territoires d'origine des uns et des autres, s'ils sont ruraux, urbains, évidemment, par rapport à certaines des propositions qui sont formulées. Moi, j'ai une difficulté, mais qui est une difficulté technique, elle n'est pas politique, c'est le fait que l'article 11 de la Constitution ne permet pas qu'un référendum puisse se tenir sur ce sujet, puisque le champ de recevabilité est très, très précis. Hein, c'est politique économique, sociale et environnementale du pays et les services publics qui concourent. Les sujets sociétaux ou les sujets de cette nature n'y figurent pas. Et c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose. Ça évite un RIP sur la peine de mort, par exemple, entre autres sujets. Mais on a besoin d'avoir un débat parlementaire, un débat dans la société sur ces questions. C'est pour ça que, majoritairement, dans mon groupe, les élus voteront pour, parce que ça va dans le bon sens, ça va dans le sens aussi d'autres démarches qui ont été faites maintenant depuis plusieurs années sur la reconnaissance d'abord des animaux comme êtres sensibles, puis ensuite d'autres évolutions futures. Mais moi, ce qui me gêne un tout petit peu dans cette démarche, c'est qu'en fait, techniquement, il ne peut pas y avoir de référendum sur le sujet. Et donc, j'ai toujours l'impression qu'on trompe un peu les gens à leur vendre un truc qui ne pourra pas se faire. Mais bon. C'est indépendant, évidemment, du fond du sujet, qui est un sujet qui mérite qu'il y ait un vrai débat dans notre pays sur la question. D'autres remarques ? Donc, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour l'adoption de ce vœu ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Les questions orales. Clan russe est bon. Ouais, je propose que effectivement vous avez répondu. On reste évidemment interrogatif, mais considérons que vous avez répondu. La deuxième, j'en ai commencé à évoquer tout à l'heure. Je ne vais pas vous le lire parce que voilà, c'est une question qui porte sur notamment un immeuble du 40 rue. Oui, non, 40 rue Pierre Curie. J'ai évoqué la capsule plus haut parce que évidemment on parle ici souvent de la question de la capsulerie, mais il y a évidemment d'autres quartiers, d'autres lieux où il y a des souffrances dans cette ville liées à la question du trafic. Au 40 rue Pierre et Marie Curie, un immeuble de l'office HLM, il y a eu, je ne l'ai pas noté et ma mémoire fuit, mais il y a eu plusieurs semaines des coups de feu, et si mes informations sont justes, deux blessés, dont un grave. Ça fait suite à différents problèmes, notamment l'occupation quasi permanente du hall par un grand nombre de personnes, un sentiment de vivre extrêmement mal de ses locataires, puisque comme ailleurs, comme dans beaucoup d'endroits, il y a des problèmes de chauffage, mais qui sont persistants, il y a aussi des problèmes d'ascenseur, enfin différents problèmes, quoi. Bon, ça se situe également dans un périmètre qui est celui d'école, qui est celui du conservatoire, qui est celui de la piscine, qui est celui de nombreux immeubles. Voilà, ça a vraiment interrogé. Je vais le dire parce que ça m'a été dit par des habitants. Il n'y a pas eu d'un. Les élus étaient sur place, certes, mais il n'y a pas eu. Il n'y a rien eu. Si ce n'est que le lendemain, il y avait une opération qui est tout à fait sympathique, qui est louable, c'était un karaoké du conservatoire, quoi. Mais il y avait un sentiment quand même extrêmement dur de la part des habitants qu'il faut entendre sur le fait que pas d'interpellation, quelque chose qui passe comme étant quelque chose de tout à fait anodin, alors qu'on parle de coups de feu, il y aurait pu y avoir des morts, et le lendemain, un karaoké sur la place, quoi. Et c'est vrai que c'est moi, je suis pour les karaokés, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pour la culture, mais là, il y avait quand même quelque chose qui semblait un peu indécent pour un certain nombre d'habitants que j'entends, quoi. Voilà, donc on voulait pas que cet événement se passe sans qu'on ait au moins un débat ici au conseil municipal, sans qu'on vous interpelle là-dessus, sur le fait que c'est pas possible que ça se situe comme ça. Donc voilà, et comme l'on. Je l'écris avec les habitants, on sera très sensible aux réponses que vous pourrez apporter. D'abord, effectivement, le karaoké, ce n'est pas juste un karaoké, c'est un projet qui est développé par différents services de la ville et le Surnatural Orchestra, et qui a justement pour vocation à contribuer, alors là, c'est le confinement, c'est le Covid, c'est tout ce qu'on veut, à se réapproprier l'espace public. Donc, j'étais présent avec Merlane Georges, avec Brahim Akrour, le samedi sur la dalle Thorez, où on a pu échanger avec des habitants qui effectivement ne supportent plus la situation. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler ce que sont les compétences d'une ville et ce que sont les compétences des pouvoirs publics en matière de sécurité. Vous le savez tout aussi bien que moi. On a été alerté effectivement par les habitants du 40 Curie dans le cadre des conseils de quartier surtout deux dernières années. Lors du dernier conseil de quartier, encore il y a quelques jours, la ville déploie des moyens importants sur la question de la prévention de la délinquance. Et d'ailleurs, on a délibéré au précédent conseil municipal sur la convention avec Rue et Cité, qui a justement pour vocation à intervenir sur le quartier des Malassis et sur Anatole France. Donc la prévention, la médiation, le CLSPD, le déploiement de la vidéoprotection, prie de m'excuser, même si... ça peut faire débat entre nous et que votre groupe ne la partage pas. Les contacts quotidiens entre l'office qui, si vous aviez participé à la bourse des locaux, alors je ne sais pas si ça va régler le problème, ça ne va pas régler le problème, mais il y a des locaux, il y a une loge de gardiens qui est au rez-de-chaussée qui va être mise à disposition par l'OPH à une entreprise. Ça va permettre au moins d'avoir des bureaux au rez-de-chaussée et avoir une occupation de ce hall où, effectivement, il y a continuellement 3, 4, 5, 6, 7 types qui sont dans le hall d'accueil. Donc, intervention de l'OPH sur le sujet, des interventions fréquentes de la police. Le commissaire évoque une cinquantaine d'interventions sur le quartier des Malassis et une partie sur la dalle Thorez. Il n'a pas le détail, le chiffrage des interventions sur la dalle Thorez, et l'office va travailler à la demande des locataires un système de serrure à code pour pallier et éviter le squat sur les bâtiments, leur vétusté, les ascenseurs, etc. Je rappelle que ces immeubles font partie du NPNRU et sont promis à une réhabilitation dans le cadre du NPNRU. Donc il y a un vrai sujet, la ville est là, elle est mobilisée, constamment aux côtés du commissariat. Alors après, on a un nouveau commissaire qui parfois dérange un peu, mais il est très dynamique et très volontaire, et je pense que c'est ce qu'il nous faut sur le territoire de Bagnolet. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Il y a la question 3 sur Samuel Paty. Oui, qui est une question de, entre guillemets, de droit de suite, hein, puisque donc je rouvre pas à l'heure tardive où nous sommes des débats qui ont été assez longs lors du dernier conseil, mais effectivement nous avons fini par voter tous ensemble un vœu où vous aviez demandé que la mention précise de l'espace ne figure pas, et si mes souvenirs sont bons, Monsieur Taravella avait de manière plus globale, indiquer la mise en place d'une commission sur ces questions de dénomination de lieux. Donc il y avait d'une part, effectivement, simplement de vous demander quel était le calendrier prévu de cette commission. Et puis, comme il avait été aussi dit que l'hommage à Samuel Paty n'avait pas à être envoyé au calendrier grec, hein, si vous aviez commencé à entreprendre les démarches. Voilà, les contacts sont en cours avec la famille, c'est-à-dire mon cabinet a contacté ou va contacter la famille de Samuel Paty pour voir si la famille est OK. Et ensuite, on engagera le choix de la dénomination. Je rappelle que on a un certain nombre de lieux qui doivent faire encore l'objet de choix. Donc, sur le calendrier de la commission, ça a été dit rapidement sur le règlement intérieur. La première commission qui va être mise en place ad hoc, c'est la commission sur la transparence. Donc on ne doute pas que Mme Desbordes-Silly y sera active. Et on va lancer également dans la foulée la commission sur les deux dénominations de lieux pour lesquels on a délibéré par le passé. Samuel Paty, Simone Veil, on l'a fait. Gisèle Halimi, pardon. Et l'enseignant... De Jaurès et l'habitant de Bagnolet qui ont été tués au Bataclan. Mais tout ça est dans les tuyaux et on, on vous fera part, soit par mail, soit, mais plutôt par mail, des retours de la famille de Samuel Paty sur la démarche. Voilà. Je vous remercie.